un peu de pourriture noble en suspension. Il n'apparaît que sur la surface sensible de la pellicule photographique. Nous balayerons cette pourriture. Tu sens pas cette odeur de pourriture, là? Ah mon Dieu, c'est ma mère. Pourriture. Mais ton connard, Alberto, là, c'est une pourriture, tu sais. Le podcast Pellicule et pourriture noble se propose d'être le centre de recueil de tous ces films conspués, molestés, tous ces films curieux donc hypnotiques, tous ces sophnies, et de les remettre en lumière, de les analyser et d'apporter quelques précisions pour voir ce qu'ils auraient pu ou ce qu'ils auraient dû être, et voir aussi tout ce qu'ils ont de sauvable. Pour cela, votre hôte, Monsieur Gravelax, s'appuie sur toute la documentation disponible pour vous permettre, vous cinéphages, de revoir avec un esprit plus affûté ces bobines imparfaites, voire très imparfaites, mais appréciables. Pour sa troisième incursion dans le terrain cinématographique imparfait, voire très imparfait comme vous allez pouvoir le constater ici, dans le terrain cinématographique qui tente des mélanges qui peuvent créer de la fascination tout comme un profond rejet, pour sa troisième incursion finalement dans un terrain cinématographique qui amène un regard qui au départ ne devait pas être amusé puis qui devient hypnotisé par tant d'étrangetés et de bêtises, bref, pour sa troisième incursion dans le terrain cinématographique imparfait, Pellicule et pourriture noble, et votre autre, Monsieur Gravelax, investissent l'étude d'un film difficilement défendable, tant il est couvert de quolibets et d'adjectifs dépréciatifs, et aussi dû par le fait qu'il est marqué du sigle Nanar éternel, à savoir Ne réveillez pas un flic qui dort de 1988, réalisé par José Pinheiro, avec Alain Delon et Michel Serrault en tête d'affiche. Contrairement à Cross, qui était maladroit mais sympathique, contrairement à Canicule, qui était clivant mais singulier et donc magnifique, je ne vais pas prétendre que Ne réveillez pas un flic qui dort est un chef-d'œuvre incompris ou qu'il fallait peu de choses pour en faire un film recommandable. En effet, la route serait longue pour l'amener à ce stade, mais on peut dresser quelques pistes qui auraient pu l'amener à un polar classique dans sa forme tout au moins. 30 ans après sa sortie, il est un peu tard pour jouer aux inspecteurs des travaux finis, pour se dresser en releveur d'incohérences et de défauts, ou constater que, tout simplement, la mayonnaise n'a pas pris. Pour cet épisode de Pellicule et pourriture noble, moi, Monsieur Gravelax, j'ai hésité tout d'abord à traiter Parole de flic, qui est du même trio, Delon, Pinheiro, Fajardi, qui a quand même marqué l'apogée du Delon justicier. Mais ça sentait entre guillemets un petit peu le début de la fin. Mais c'était un film, Parole de flic, qui parvenait quand même à conserver quelques bons moments et une cohérence. Même si on constate, à sa vision, que c'est un film qui était fait pour les 50 ans de Delon, avec tout un début qui montre qu'il a encore la patate, la forme, le physique, malgré entre guillemets son âge. Mais ce film annonçait déjà une dérive très forte dans l'égotisme delonien qui était poussé à son comble. Et donc j'hésitais entre Parole de flic et Ne réveillez pas un flic qui dort, qui, à l'image du Solitaire, le film Le Solitaire avec Bebel, marque la fin d'une recette avec ces deux stars dans le rôle de super flic ou de justicier. Mais bon, là c'est un peu le fan de Bebel qui parle. On va dire que face au Solitaire, nous ne sommes pas face à un nanar. On est dans un film, on va dire, face à un film qui est insuffisant, notamment dans sa fin. Voilà, peut-être il manquait en effet la mort de Schneider, qui est le principal, enfin qui est le némésis du commissaire joué par Belmondo dedans. Donc c'est peut-être ça qui manque. Mais bref, pour ces deux stars, c'est la fin en effet d'un type de rôle, d'une recette. Donc avec Ne réveillez pas un flic qui dort, on se trouve en transition. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le dernier essai pour Delon de verser dans une vieille formule, tout en essayant de s'adapter à ce qu'on a appelé le néopolar qui a arrosé un petit peu la fin des années 70 et des années 80. Donc Delon versera ensuite dans des rôles qui se veulent plus contemplatifs, sans action véritable, mais qui échoueront complètement en plongeant les spectateurs dans l'ennui et en ne jouant que sur la carte du charisme de Delon. Alors on a ça avec les deux films qu'il a fait par la suite avec Jacques Doré, Un crime et L'ours en peluche. Il y a aussi dans Le Nanar à nouveau avec Dancing Machine. On pourra y revenir dans je pense un bonus. J'en dévoile pas trop parce que c'est encore en travail, donc je ne sais pas si ça aboutira à quelque chose, mais bon, Dancing Machine. Et enfin, dans le film qui essaye de faire perdurer l'image de vieux beau hein, de Delon, par exemple Le Retour de Casanova, ou enfin le cas très particulier de Porte Nawak, avec Le Jour et la Nuit de Bernard-Henri Lévy, mais ça c'est vraiment un cas à part, et il y a d'autres choses qui ont été faites, je mettrai un lien sous peu, pour un très bon documentaire, le making-of de Le Jour et la Nuit, qui est très instructif à ce sujet. Bon bref, beaucoup de bides, et un Delon qui, on va dire, qui ne devient que l'ombre de lui-même, qui porte son ombre, entre guillemets, c'est un peu ce côté-là, et qui va se tourner vers la télévision, où il pourra redonner vie au genre qui ne remplissait plus les salles. On peut penser à Fabio Montal, Franck Riva, Le Lion aussi, où il recroisera Pinero, mais aussi Philippe Sedbon pour les scénarios. Philippe Sedbon, donc réalisateur, scénariste de Cross, on avait déjà parlé, et qui, pour Parole de flic, était aussi à l'origine du scénario, mais pas pour Ne réveillez pas un flic qui dort. Donc d'emblée, s'il y a un constat à retenir, et qui reviendra souvent filigrane lors de cet épisode, c'est qu'on l'a amené à regarder un film, ou ce film, pour de mauvaises raisons. Il est regardable à condition qu'on laisse de côté son premier degré. Alors que le sujet de base, un flic honnête qui cherche à démanteler une organisation d'extrême droite dans la police, Fidélité de la police, une organisation qui exécute toutes les personnes qui ne répondent pas à leurs valeurs et à leur code de conduite, dans ces personnes on peut trouver des malfrats, des gendarmes, des politiciens, et ben ce film aurait pu donner un polar tendu, un polar sec, un polar nerveux, un polar puissant, puisqu'on reconnaît à peu près les ingrédients du script de Magnum Force, le deuxième volet des aventures de l'inspecteur Harry. Mais bon, force est de constater qu'on est quand même loin du modèle d'origine. Bref, il y a beaucoup de promesses de départ qui ne sont pas tenues. En premier lieu, la confrontation de Delon-Serrault, qui joue donc le rôle du le rôle du commissaire Roger Scatti, qui est un des maillons centraux et créateur d'ailleurs de Fidélité de la police. Et finalement, cette confrontation n'a jamais lieu, à part dans la scène finale. Et puis, mis à part, il y a deux pauvres échanges dans la cafétéria du commissariat. Mis à part ça, les deux acteurs ne se croisent jamais durant le film. Bon, première chose. En second lieu, un film où Delon, qui est intervenu dans le scénario comme il le faisait souvent, il s'est donné le beau rôle et il a accentué les qualités de son commissaire Grindel, Eugène Grindel. Et finalement, c'est un commissaire qui devient quasi omniscient, quasiment sans faille, et c'est ce qui réduit le plaisir de progresser dans l'enquête, puisque finalement, il est très peu confronté aux difficultés. Et on a un Delon qui finalement, je reprends la conclusion de Nanarland, qui vire dans la parodie consciente de lui-même. Bref, il y aura aussi d'autres points qui font pencher le film vers un côté au mieux involontairement amusant. C'est-à-dire que quand le film veut être amusant, il se plante dans les grandes lignes, avec notamment, on y reviendra, mais un running gag digne d'un film de Philippe Clair, et au pire, un film totalement grotesque, alors qu'il se voudrait grand. Donc on va voir de suite, après la bande-annonce, qui constitue donc l'équipe qui va être aux commandes de ce summum de ce qui est considéré comme le polar nanardesque. Donc tout de suite, la bande-annonce. Il m'a fallu 20 ans pour sélectionner les meilleurs et ficher nos ennemis. 20 ans pour mettre au point la plus belle des machines de guerre jamais conçues contre la pègre et le communisme. On ne pourra jamais les contrôler. C'est des fanatiques. On est prêt à flinguer le premier fumier qu'on identifiera. Non, au contraire, si vous en trouvez un, faut me l'améliorer. Et dites, c'est vous, grand chef ? Je suis divisionnaire, comme San Antonio. 3, 4, 1, 2. Plus d'initiatives de cette sorte ! Nous y pensons tous, Grindel. C'est un douloureux problème. Douloureux ? Mais j'ai pas de douleur, moi. aucune douleur. J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur filer mon flingue dans les couilles. Venez me chercher, bande de lopes. Seule chose. Qui a tué Perret? Fight! Vous n'avez pas réveillé un flic qui dort. Donc une bande-annonce intéressante puisqu'elle twiste sans vergogne la mort d'un des personnages principaux du film. Et même il y a quelques éléments aussi de la scène finale, donc finalement quelque chose de bien étrange comme moyen de promotion pour l'époque. Mais tout de suite comme promis, la description de l'équipe qui se trouve derrière ce film. Qu'est-ce que vous diriez de venir rejoindre mon équipe, travailler avec moi tous les trois la main dans la main ? Mais moi j'ai que des petits dans mon équipe. Le doyen il a 7 ans. Comment tu veux que je gagne avec une équipe comme ça? Je faisais équipe avec un mec vraiment costaud. Il s'appelait Tortue. Comme une tortue. Ouais. Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe. Belle équipe. On n'est peut-être pas obligé aussi de tous y aller. Ah si, tout le monde, la fine équipe. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Donc pour ce qui est de l'équipe technique, réalisateur, acteur, directeur de la photo et aussi la musique, le but est toujours de faire très court, le plus court possible, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus passionnant, mais de savoir à peu près quand Ne réveillez pas un flic qui dort se présente dans leur carrière respective, où se trouvent les différents intervenants. À mon avis, il est beaucoup plus important de faire la lumière et de passer un peu plus de temps sur le réalisateur, José Pinheiro, à savoir donc... Ne réveillez pas un flic qui dort, il débute sa carrière au cinéma par une comédie en 82, Family Rock, avec Christophe Malavoie, qui raconte l'histoire d'un couple menant donc une vie de forain et qui va de ville en ville. Voilà, donc il ne se dessine pas forcément qu'au départ au polar. Voilà, il est assez éclectique. D'ailleurs, c'est confirmé par la suite, puisque en 83, il fait une comédie dramatique, un biopic. Les mots pour le dire, qui porte sur la vie de Marie Cardinal, qui a appris à se connaître en fait en faisant un parcours par la psy, la psychanalyse. Donc dans ce film, Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault, Claude Rich, qui vient de nous quitter malheureusement, déjà Jean-Louis Foulquier, qui fait une petite apparition dans Ne réveillez pas un flic qui dort, et Robin Renucci. En 85, c'est donc la rencontre avec Delon avec Parole de flic et avec Fajardi. En 86, il y a donc Les Roses de Matmata, qui est un film d'aventure où on croise donc Jean-Luc Bidault et Dale Adon, qu'on a pu voir dans La Crime de Philippe Labro avec Claude Brasseur et Gabriel Lazur, qui raconte l'histoire d'une archéologue et d'un fonctionnaire qui partent en Tunisie à la recherche de trois roses qui devraient les mener vers un trésor. Bon, ça c'est, je reprends le résumé d'Allociné. Et enfin, avant Ne réveillez pas un flic qui dort, il y a un drame érotique en 87, Mon bel amour, ma déchirure, avec Stéphane Ferrara et Catherine Lutning, qui raconte un petit peu l'histoire d'une comédienne qui tente de faire carrière, qui rencontre un homme qui va la faire tomber dans ce qu'on peut appeler l'amour-passion, et cette amour-passion ira assez loin. Donc en 88, on a Ne réveillez pas un flic qui dort, et je me permets de déborder légèrement 88, où sort Ne réveillez pas un flic. Pour juste signaler en 90 son dernier film pour le cinéma, donc La Femme Fardée, qui est adapté de Françoise Sagan avec l'aide une nouvelle fois de Fajardi notamment, et qui est un film choral qui raconte un petit peu les personnages qui se croisent lors d'une croisière en Méditerranée. Donc Dansim, on croit Jeanne Moreau, Jacqueline Maillan, André Dussolier, Anthony Delon, voilà, après le père, le fils, Philippe Corsan et Jean-Marc Thibault. Donc c'est le dernier film de Pinero pour le cinéma. Ensuite, il va se diriger vers la télévision. Il va réaliser notamment 8 épisodes de Navarro. Il va réaliser surtout Fabio Mental, où il va retrouver Delon, et aussi Le Lion. Donc encore une fois, on retrouve Delon. Et ensuite, vite fait, d'autres séries récurrentes comme Le Tuteur avec Roland McDan, 5 épisodes, et certainement les derniers Commissaire Moulin, il y a 4 épisodes. Et enfin, son dernier effort, on va dire ça comme ça, pour la télé, donc en 2012, Les Fauves. Donc voici pour Pinero. J'insiste aussi rapidement sur le co-scénariste, donc Frédéric Fajardi, de son vrai nom, donc Ronald Moreau, qui, si on fait vite fait sa bio, mais vraiment très rapidement, insister sur l'éducation libertaire qu'il a eue, qui fait plonger dans le marxisme, donc dans le néopolar, c'est l'aile gauche, on l'a déjà dit, et son premier effort en tant qu'écrivain, c'est donc Tueur de flics. Et pour ce qui nous concerne, donc Clause de style, qui a inspiré Ne réveillez pas un flic qui dort, date de 84. Pour le cinéma, il a aussi participé à la télévision, mais pour les scénarios, pour le cinéma, c'est ce qui nous intéresse, et son premier effort, c'est Parole de flic, où il rencontre donc Pinero et Delon. Le deuxième effort, si on va assez vite, c'est Ne réveillez pas un flic qui dort, et La femme fardée, il retrouve une nouvelle fois Pinero. Et une dernière fois, c'est 93, donc Vent d'Est, de Robert Enrico, avec Malcolm McDowell et Pierre Vanek. D'ailleurs, je profite pour corriger, je fais un erratum rapidement sur le bonus de Cross. J'avais dit donc que Vendès c'était avec Michel Serrault. Non, c'est avec Pierre Vanek. Voilà, on avait évoqué Karl-Heinz Schaffer à la musique. Voilà, j'en profite aussi pour faire l'erratum. Donc voilà pour Fajardi. Oh, vite fait, bon, je rajoute pour la télé qu'il a participé à l'écriture des David Lansky. C'était les polars avec Johnny Hallyday. Bon, voilà, mais je ne m'étends pas plus. Le but, c'est de faire vite et plutôt Fajardi et le cinéma, les scénarios qu'il a pu écrire. Je passe tout de suite donc aux acteurs, et puis bon, ça fait une belle transition avec donc Alain Delon, puisque Alain Delon, on a vu qu'il était quand même présent à la production, à l'écriture et au jeu, hein, voilà. Donc très rapidement, de dire de quoi il sort et à peu près sa courbe de progression. Donc si on remonte, allez, je vais faire vite fait, on remonte à 83, donc Le Battant, on est à 2 millions d'entrées, un peu moins. Il a le troisième rôle, mais bon, c'est un rôle important dans Un amour de Swann de Schlendorf. Mais bon, 800 000 entrées, mais c'est pas lui qui est forcément à la tête. Par contre, il se met au service de Bertrand Blier en 84 pour Notre histoire avec Nathalie Baye. Et ben, on est à 880 000 entrées à peu près. Il repasse donc à un Delon justicier avec Parole de flic, donc avec Pinero et Fajardi. Donc on est à 2,5 millions. Voilà, il retrouve le public. Et ensuite, juste avant Ne réveillez pas un flic qui dort, il est donc à l'affiche de ce qui constitue notamment le générique de fond de Pellicule et Pourriture noble, Le Passage, donc de René Manzor, en 86, avec 2 millions d'entrées, ce qui montre que Delon peut encore attirer des foules sur son nom. Voilà pour Delon, on verra surtout le rôle après qu'il aura pour la façon dont il a changé son personnage de Grindel. Je passe tout de suite à Michel Serrault. Alors là aussi, très vite, à savoir qu'il sort, donc si on remonte à 85, j'ai choisi, j'ai fait une petite sélection, donc de On ne meurt que deux fois, de Jacques Deray, de La Cage aux Folles 3, qui est le dernier film dialogué par Michel Audiard, comme quoi là on retrouve un petit peu ce qu'on a vu pour Canicule, Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky, En toute innocence d'Alain Gessua, et juste avant, ou en même temps, enfin, même année que Ne réveillez pas un flic qui dort, Bonjour l'angoisse de Pierre Tchernin. Ça, c'est pour Serrault, voilà à peu près où il en est quand il aborde Ne réveillez pas un flic qui dort. Ensuite, dans le rôle de Perret, l'assistant ou sur le terrain de Delon, on a donc Patrick Catalifo qui, à l'époque, en effet, était un jeune premier ou un jeune talent. Il avait fait auparavant un rôle dans La Triche, où il avait déjà croisé Xavier Deluc, donc de Yannick Bellon en 84. Et surtout, il sortait du film de Jeanne Labrune, De Sable et de Sang, où il jouait un torero, où il partageait l'affiche justement avec Samy Frey et André Dusselier. Pour la suite, il a surtout rebondi à la télé avec Novacek et par exemple aussi la série Les Bleus. Et à noter que voilà aussi, il a une grosse carrière aussi au théâtre. Et enfin, que ces derniers temps, il est dans le giron en fait d'Olivier Marchal, qui était qui avait un petit rôle dans Ne réveillez pas un flic qui dort, puisqu'il était à l'affiche des Lyonnais, même si c'était un rôle peut-être secondaire, et du nouveau film de Lee Marshall qui doit sortir à l'heure où je parle, Carboné. Pour Xavier Deluc, qui joue le second adjoint de Delon, de Grindel, Lutz, bah, il faut rappeler que, bon, c'est souvent ce qu'on rappelle de lui, au départ qu'il vient des films de Max Pécasse, hein, donc, où il était encore connu sous le nom de Xavier le Petit, et que finalement, quand il aborde Ne réveillez pas un flic qui dort, il a quand même derrière lui les 4-5 dernières années avant Ne réveillez pas un flic qui dort, quand même une carrière assez prometteuse, puisque donc il était à l'affiche de La Triche. Bon, un petit peu moins, beaucoup moins glorieux, il est à l'affiche du film de SF français, bon, là aussi un nanar Diesel. On ne meurt que deux fois, donc il avait déjà croisé Michel Serrault. La Tentation d'Isabelle de Jacques Doyon et La Brute avec Carmé et Cayenne Palace aussi avec Richard Berry et Jean Yann. Donc bref, une carrière assez prometteuse. Et finalement, après Ne réveillez pas un flic qui dort, bah, il sera 10 ans sans faire de film pour le cinéma. Il va se tourner vers la télé, notamment une série, aujourd'hui ça serait peut-être à peu près le plus bel la vie de l'époque, Riviera, qui était diffusée sur TF1 entre 91 et 92. Il y a quand même 260 épisodes. Il a fait aussi des sagas comme Saga de l'été, comme Terre Indigo, et il a tenu les rôles principaux des séries donc Mark Elliott entre 98 et 2005, il y a 20 épisodes, et de, bon, maintenant on le connaît depuis avec Section de Recherche depuis 2006. Rapidement, c'était aussi un des premiers rôles de Bernard Farcy, hein, donc dans le rôle de La Tueva, un des membres de Fidélité de la Police, et dire qu'il avait eu des apparitions dans La Lune dans le Caniveau de Benex, dans Notre Histoire de Blié, dans Marche à l'ombre, et dans Tenue de soirée, encore une fois, de Blié. Voilà, voilà, pour ce qui est des acteurs et ce qui est des autres, je serai amené, durant le déroulé du film, à parler d'à peu près de là où on les avait vus et où ils en sont dans leur carrière. Rapidement, je fais un point, il me reste deux personnes à voir, à savoir donc le directeur de la photo, qui n'est plus à présenter, même, voilà, il est décédé aujourd'hui, mais c'est Raoul Coutard, qui est quand même un nom prestigieux, qui est rattaché à Nouvelle Vague, à Godard, à Bout de Souffle, etc. Et dire que quand Ne réveillez pas un flic qui dort se présente, il avait fait auparavant donc Prénom Carmen de Godard, ça c'est en 84, La Diagonale du Fou, c'est avec Piccoli, en 84 aussi, La Garce de Christine Pascal avec Isabelle Huppert et Richard Berry, et le film un peu spécial Max Mon Amour d'Oshima avec Charlotte Rampling, où elle a un chimpanzé pour amant, donc 1986. Donc c'est là où Coutard se trouve, et il reviendra voir Pinero pour La Femme Fardée. Enfin, dernière chose, c'est la musique du film, donc de Pino Marchese. Ouais. Finalement, il n'a que trois films à son palmarès en tant que compositeur: Paroles de flic, Les loups entre eux de José Giovanni avec Claude Brasseur, Jean Anglade et Nils Arilstrup, et donc Ne réveillez pas un flic qui dort. Et depuis, c'est, je pense, d'après ce que j'ai pu voir, reconverti dans la variété. Et c'est vrai que ça, bon, souvent c'est sa musique qui est aussi critiquée. Dans Paroles de flic, elle est un peu plus variée, il y a quand même quelques nappes de synthétiseurs qui tire un peu vers la musique du film ou l'ambiance du film par le bas, mais y a souvent d'autres choses qui sauvent un petit peu l'ensemble. Là, franchement, sa musique est très présente, et notamment ce qu'on va pouvoir entendre par exemple dans un dialogue de Serrault, ça amène à accentuer le surjeu de Serrault, donc avec des nappes synthétiques pas très forcément très très très glorieuses. Donc voilà pour la présentation de l'équipe du film. Voilà, comme promis, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus, pour présenter l'ensemble. On passe donc au déroulé du film, et pour cela je vous passe donc un extrait pour vous plonger dans l'ambiance de la bande originale du film. Thank you. premier plan du film et donc tout naturellement Alain Delon présente. Et puis après, Alain Delon, Michel Serrault. Donc on retrouve ce trait qui caractérise les productions Alain Delon, qui montre qu'il est impliqué, qu'il est aux commandes, même si, voilà, qu'il ne fait pas qu'acteur. Il produit aussi, il met la main à la pâte pour tout ce qui est aussi de l'ordre du scénario, de l'histoire, il s'implique. Bref, le premier personnage qui apparaît à l'écran est le personnage de Nicolas Spiro, qui sera joué par Stéphane Jobert, qu'on a déjà croisé dans Cross, puisque c'était le collègue de Cross, Kester. Alors, dans le roman, il est décrit comme ayant la trentaine, grand et inspecteur depuis 8 ans. Donc, quand on voit dans le film, il est arme à la main, il est, on va dire, en mode infiltration, et il pointe son flingue sur un homme endormi. Et d'après le film, on sait qu'on se trouve à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine, un 6 juin, et à presque 1h du matin. Donc cet homme, ça sera Bernard Zelem, qui est en fait un grand acteur du marché de la drogue en France. On voit qu'il est en contact avec l'Asie du Sud-Est, et il sera joué par Bruno Raffaelli, qui est surtout un acteur de théâtre. Et donc, ça nous donne lieu au premier dialogue, où il se fait cueillir dans son lit par ce qui va être le chef de fidélité de la police, à savoir Roger Scatti, joué par Michel Serrault. Et voici les premiers dialogues. Police, habille-toi, Zelem, on sort. Vous plaisantez? Présentez-moi vos cartes de réquisition. Rien de plus facile, ordure. Commissaire Scatti. Je vous croyais à la retraite. On t'a mal renseigné, ordure. La retraite, c'est dans 3 mois et 3 jours. Allez, magne. Si tu comptais sur ton gorille, on te le ramène à l'état sauvage. Nous avons donc Zelem qui est réveillé par Scatti et ce qui va s'avérer être sa garde rapprochée dans Fidélité de la police, à savoir, donc comme déjà dit Spiro, joué par Stéphane Jobert, Latueva, donc Ernest Latueva, joué par Bernard Farcy, qui aura la chance, la malchance de faire les derniers Delon et Belmondo justicier. Hein, donc ici, ne réveillez pas Flic d'or pour Delon et le solitaire pour Belmondo. Dans le roman, c'est un peu différent. Il est petit, âgé, de l'ordre à peu près de l'âge de Scatti, de Serrault donc. Il est divisionnaire depuis 2 ans et donc on voit que c'est un peu différent. Et donc, à Spiro et à Latueva va se rajouter donc Robert Lutz, joué par Xavier Deluc, donc 23 ans, grand, blond, yeux verts, stagiaire. Donc c'est en effet, ça sera la garde rapprochée à peu près, à laquelle se rajoutera, on verra plus tard, Valès, joué par Dominique Valera, mais ça, c'est pour plus tard. Donc on voit qu'il y a dans le roman, on sent, Zelem sent quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas habituel dans cette interpellation. Il peut être intimidé, entre guillemets, mais là, il sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent par rapport à d'habitude, et que la situation sent un peu le roussi pour lui, et voici comment la situation va s'achever. Ça va, Scotty, ça va arrêter. Arrêtez les frais. Je retire mes billes, j'arrête tout. Ne pensez pas, ordure, que m'offrirait le plaisir de devoir ramper à mes pieds. La tu vas aller me chercher les jerrycans. Bien, patron. Oh, mon petit Lutz, c'est le plus beau jour de ma vie. Oublie tes histoires de cave, Zelem. Et ouvre grand tes yeux. Allez, ouvre, ordure, et regarde. Tu es le traître provisoire témoin d'un crime sans précédent dans ce pays. La police vient de se libérer de toute contrainte. Fini les prétoires. La magistrature gauchiste est témoin vulnérable. Les jurés impressionnables. Les avocats vont être terminés. Ça se connaît. Les preuves. C'est nous qui allons les chercher. Et les témoins, c'est nous qui les interrogeons. Au nettoyage, je lève comme en Argentine. Allô, pas ça, hein, Lutz. C'est le grand nettoyage, je lève. Et tu as l'honneur d'être le premier. Je vous traînerai aux assises, bande d'enculés, tous les quatre. À la suite de cela, donc, le gorille, c'est-à-dire le garde du corps de Zelem, est tué avec un pistolet à cyanure. Il y a une certaine, on verra dans le film, inventivité au niveau des armes qui vont servir à assouvir leur violence, leur plan. Comme vous l'avez entendu, l'appartement est mis à sac, sauf une pièce chrétienne. On l'entend ici avec Scati qui dit non, pas ça. Donc en effet, ça montre le côté un petit peu chrétien intégriste de Scati. Et dans le roman, on voit que cette mise à sac, elle a un sens. C'est pour que, en fait, il n'ait rien à hériter de Zelem, que ses enfants, voilà, ne bénéficient pas des choses mal acquises, voilà, de Zelem. Et donc, pour voir ça, en effet, dans le film, il y a déjà un souci, c'est la musique qui est assez insupportable, qui est par-dessus, qui accentue en plus le surjeu de Cero. On l'entend, il y a des accents quand même, ou des fins de phrases, des intonations qui rappellent, voilà, sans être caricatural, mais quand même le côté Zaza Napoli de la Cage aux Folles, hein, les fins d'intonation, etc. Et finalement, c'est ce que sera son rôle durant tout le film. Il va être qu'emportement, que colère, petite colère, agacement, intransigeance. Alors pour une chose très simple, c'est que le personnage de Scati ne veut pas que son plan, qu'il a mis 20 ans à mettre en œuvre, n'échoue du fait de l'erreur d'un tiers. Et ce qu'on a entendu, hein, donc en effet, il s'inspire de ce qui se fait en Argentine. Je reprends juste le dialogue. Dans le roman, il y a quand même quelques petites choses en plus. Dans le roman, ça donne à peu près ceci. Alors, ce qu'il y a en plus par rapport au dialogue de Cero au départ, donc il fait toute une liste, hein, voilà, ici, maintenant nous dératisons. Donc en effet, dans le film, il a fini les prétoires, etc. Ce qu'il y a en plus, c'est fini aussi les sociologues pourris et les experts psychiatres marrons. Voilà, donc ça, c'est en plus dans le roman. Par contre, ce qui a été rajouté dans le film, c'est toute la partie sur, voilà, c'est nous qui fabriquons les preuves, par exemple, c'est nous qui interrogeons les témoins. Là, en effet, c'est rajouté pour le film. Pour ce qui est donc du film, donc Zelem, par la suite, s'échappe après avoir dit, voilà, je vous traînerai tous aux assises. Donc, il s'échappe par l'escalier extérieur et, en effet, il va être tué par la Tueva, donc Bernard Farcy, avec une sorte de lance-roquette, une roquette lance-flamme à peu près. Dans le roman, on verra que c'est un fusil qui est relié à une bouteille d'essence qui va être projetée sur Zelem. Donc, là, pour le film, par ses actions, par exemple, si le ton est donné, on a peu à peu affaire à un nanar, parce que les effets spéciaux sont très moyens, hein, quand il est brûlé, etc., ça sent l'effet spécial un peu cheap, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est très daté, cet effet spécial. De plus, la Tueva est présentée dans le film vraiment comme un gros bourrin, comme un fan des armes spéciales, des armes modifiées, alors que dans le roman, il a quand même quelques bases intellectuelles. Par exemple, avant de tuer Zelem, il cite Edgar Allan Poe et sa nouvelle, donc justement, La torture par l'espérance. Là, en effet, il dit, il connaît La torture par l'espérance, mais sans faire référence à Edgar Allan Poe, voilà, par exemple. Et même dans le film, il a des dialogues plus poétiques et aussi plus cyniques. Donc, ils ont beau être des fascistes, ils ont une présentation plus fine, ce qu'ils n'ont pas dans le film. Ça sera valable aussi pour d'autres personnages qui, dans le roman, et Delon, enfin Grindel, premier, voilà, qui est plus fin et plus fouillé dans le roman que dans le film. Donc en effet, première scène qui donne le ton et de ce que sera le jeu de Cero, surjoué. On va dire que l'avantage du film, c'est qu'il sera sur un même ton. Il sera cohérent, il sera dans un surjeu, mais il sera tout le temps comme ça, donc ça va donner un rôle cohérent, mais hélas, on aurait aimé, c'est plus ce côté-là aussi, on aurait aimé pour que ce film il soit beaucoup plus fouillé, beaucoup plus nuancé. Là, il va être sur un ton, un seul ton du début à la fin, et on sait que ce personnage, de toute façon, voilà, on va se le coltiner tout le film, et qu'il ne changera pas. Et c'est donc problématique pour ce qui va être un des deux personnages principaux du film. Donc première, on va dire, voilà, si on cherche un petit peu les solutions ou ce qui aurait pu faire de ce film-là un petit peu quelque chose de plus classique, c'est que la némésis soit plus nuancée, ce qui ne va pas être le cas du tout. Et c'est la première fausse note du film. On passe à la scène suivante. Donc après la mort du baron de la drogue Zelem, on assiste à celle d'un des rois du jeu de Paris, à savoir donc Albert Luncantini. Donc on se trouve à 1h42 du matin, donc même pas une heure après la mort de Zelem, dans un parking des Champs-Élysées. Dans le roman, on est 5 heures plus tard, pas une heure. Et donc, on voit Luscantini, qui est donc un homme riche, qui dans le roman a 65 ans. Dans le film, il est joué par Lucien Brahms, qui n'a fait que ce film. Donc on le voit, c'est riche, avec le cigare. Au volant de sa voiture, il va démarrer. Et il est appréhendé par Lutz, donc joué par Deluc. Et donc, arrive assez vite Scatti, donc joué par Serrault, qui dans le roman est absent de cette scène, mais pour le film, bah, il faut entre guillemets rentabiliser Serrault, et si bien que si Delon est absent d'une scène, il faut que Serrault y soit. Donc il y a Lutz, Scatti, donc Luscantini, le roi du jeu, et un commissaire principal qui nous est présenté comme s'appelant Malaise. Il était de la police des jeux. Donc dans le film, il est joué par Jacques Mignot, qui a joué notamment dans Angélique Marquise des Anges, dans Flag, dans Association de malfaiteurs, et ce commissaire principal a eu sa vie brisée par Luscantini. Hein, il a mis sa carrière dans une voie de garage grâce au contact politique de Luscantini. Voilà. On sait aussi que Luscantini était un résistant de guerre, qu'il est éduqué, il a eu le bac, qu'il est conseiller municipal de son village natal et membre d'un parti politique de centre droit. Mais il est magouilleur et aussi corrupteur. D'ailleurs, quand il voit aussi que ça sent mauvais pour lui, qu'on pointe les flingues sur lui, il cherche à acheter les trois policiers qui sont présents. Et finalement, il est tué. Je vous laisserai le dialogue. La scène donc se finit à 2h34 du matin. Donc pareil, quasiment un peu moins d'une heure. Alors que dans le film, voilà, la scène elle fait, on va dire, 3 minutes. Donc là aussi, il y a une petite incohérence. C'était pas nécessairement utile de marquer donc la fin de cette opération. Là, je vous passe donc le dialogue qui correspond à la mort de Luscantini. Tu vieillis, Luscantini ? T'es plus physionomiste ? Malaise ? Commissaire principal, Malaise, police des jeux. T'y es ? Non, il n'y a pas du tout. C'est con, ça, parce que dans une minute, il sera plus nulle part. C'est drôle, la vie. T'as cassé ma carrière, Luscantini. Tes amis politiques m'ont mis sur une voie de garage. Et maintenant que je n'ai plus qu'à te souffler dessus, je vais laisser mon jeune collègue faire le travail à ma place. C'est marrant, non ? Même que les asticots s'impatientent. Tu vois, Luscantini, par certains côtés, t'es déconcertant. Études secondaires assez brillantes, sanctionnées par le bac. Conduite patriotique et courageuse pendant l'occupation, etc., etc. Pour le reste, ça fait 40 ans que tu magouilles dans les jeux. Les clandés, le crime, le chantage, la corruption. Fidélité de la police t'a condamné à mort. Sentence exécutoire sur le champ. Vous êtes 3, 400 bâtons chacun. L'avantage, ça apparaîtrait dans ma comptabilité. La saison se termine. Fermeture définitive. Exécution. Lutz. Faites sauter la banque. Donc là, très peu de différence avec le roman, mais on n'en est même pas à 10 minutes de film et déjà de mort. Et jamais 203, donc on passe à la scène suivante qui est celle de la mort d'Achille Bessoni. On se retrouve donc à 4h30 du matin, toujours la même nuit, à Saint-Denis, avec une voiture qui amène dans un hangar où, justement, il y a une chose comme ça, si on regarde un petit peu dans le détail, qui frappe un petit peu, bon, les tenailles, un coussin fidélité de la police, ça c'est surprenant. Et donc, cette fois, c'est le côté un petit peu police des mœurs qui va se venger, donc de Bessoni, qui est donc un proxénète qui, alors si on complète un petit peu avec ce que dit le roman, s'adapte aux demandes, aux nouveautés de la clientèle. Et donc, à la fin des années 80, il semble que la demande s'oriente vers la prostitution hôtelière, puis enfantine. Et la devise un petit peu de Bessoni, c'est trouver le premier, ce qui va être opérationnel et rentable. Donc, pour Bessoni, il est joué par Guy Cuevas, qui est un écrivain, qui est un comédien, qui est un musicien né à La Havane et qui a fait de la figuration dans plusieurs films, comme Solo de Mocky, par exemple, comme Un été d'enfer avec Thierry Lhermitte, comme Les Frères Pétard, comme Frantique, comme L'Enfant Lion, comme Le Saint-Laurent de Jalil Lesper. Et il est aussi connu pour être le roi des fêtes parisiennes, notamment au Palace, dans les années 80. Et alors, pour y revenir rapidement, nous allons donc écouter le dialogue où il va donc y avoir donc Bessoni et un autre flic dont la vie a été empoisonnée par Bessoni, à savoir donc le nom c'est Jacques Lormel dans le roman, et donc il est joué par Jean-Pierre Joris. Alors vite fait, on l'a vu, étant fan de Belmondo, dans L'Alpagueur, il fait un petit peu le caïd, le boss de la prison où donc le Belmondo se fait enfermer volontairement pour retrouver Costa. Donc son rôle c'est Salicetti. Il y a aussi d'autres apparitions de Jean-Pierre Joris, donc dans L'Amour Braque ou encore Tanguy. Donc je vous passe tout de suite l'extrait de la mort de Bessoni. Lormel, police des mœurs. Bessoni, sale con. Ma fille est morte. Je t'accuse pas de l'avoir mise au turf. Non, là, j'aurais eu besoin de personne pour te flinguer. Elle s'est tuée. Après s'être amourachée d'un de ces petits tas de fumier que tu envoies prospecter dans les boîtes à la mode. Seulement, c'était une fille de flic. Alors elle n'a pas supporté d'être l'esclave d'un Mac. Et moi, je peux pas supporter qu'un salaud de ton espèce puisse survivre à ma fille. C'est clair, non ? J'ai soif. Je voudrais une coupe de champagne. Ne salue pas avec ces tordus. L'introduction de notre pays, des travestis, puis de la prostitution enfantine, Bessoni. Pour toi, il n'y a pas de mots. Fidélité de la police est décidée de tirer la chasse. Il te faut un châtiment exemplaire. Oui. On va te punir par où tu as péché. Hein? Ne soyez pas si emphatique. Faites ça rapidement, Lutz. Et fermez-la. Par rapport au roman, on a donc un léger changement puisque ce n'est plus la fille comme dans le film de Lormel qui a été embrigadée par Bessoni, mais donc Lormel qui en veut à Bessoni du fait que sa femme, enfin la sienne, celle de Lormel, est morte et il ne supporte pas de voir en effet quelqu'un comme Bessoni lui survivre. Dans le roman, pareil, on voit que c'est un commissaire des mœurs qui était teigneux et que Bessoni avait réussi à faire muter à la brigade financière. Voilà. Et voilà, pour la fin, comme vous l'avez entendu, ou supposé, ou vu, il y a les Lutz qui prend les tenailles et qui castre Bessoni. Par contre, alors, petite différence aussi encore une fois, donc Bessoni dans le roman, il est beaucoup plus âgé, il a 71 ans. Pour Cuevas, de mémoire, ça lui fait à peu près 40 ans, 41, 42 ans quand il tourne le film. Et de même, comme pour La Tueva qui était beaucoup plus intelligent ou fin dans le roman, là aussi, Lutz, il a beau être jeune, il a dans le roman une capacité de réflexion, puisqu'il compare même, il a des références comme Cromwell, Charles Ier, etc. Donc ce qui n'est pas forcément à la portée du premier venu. Voilà. Donc là aussi, beaucoup plus. Il y a le jeu de Luc, de Luc aussi qui fait ça. Le fait qu'en effet, voilà, les membres de Fidèles de la police sont des caricatures et sont vraiment très bourrins, alors qu'en effet, il y a une capacité de réflexion. Et ça aurait pu être justement un des axes sur lequel le film aurait pu justement travailler un peu plus ou s'axer un peu plus. D'avoir une vraie confrontation, un danger qui est réel parce qu'ils sont violents, mais encore plus perfide s'ils sont intelligents ou capables de nuances. Donc là aussi, ça aurait été quelque chose à creuser pour rendre certainement le film plus dur, plus tendu. Donc à la suite de ces trois meurtres, donc on est quand même à peu près à 12-13 minutes de film, on passe donc à la présentation d'Eugène Grindel, à savoir Alain Delon. Et là aussi, par rapport au roman, il y a une sacrée différence pour l'adapter à Monsieur Delon. Donc pour le grand moment qui est l'introduction du personnage d'Eugène Grindel, ou on pourrait même dire Eugène Grindelon, tant l'acteur a façonné le personnage pour qu'il lui ressemble. Donc on se trouve le même jour à Saint-Cloud, le téléphone sonne dans l'appartement, et ce qu'on verra plus tard être une mannequin internationale récupère sa robe à paillettes. C'est elle qui a pour mission donc de réveiller Delon. Voilà, il reçoit un appel, voilà, et donc elle se dirige peu à peu, donc lui dort, voilà, elle l'appelle, voilà, Crazy Horse, donc cheval fou, voilà, comme on suppose, après une folle nuit d'amour, elle lui apporte le café au lit, elle lui roule sa cigarette, elle lui allume, voilà, bon bref, et en effet, donc il émerge, voilà, il l'appelle Grande Muraille, puis, donc elle de son côté, voilà, fait sa gym, etc., lui va au téléphone, on a des phrases qui se veulent spirituelles, voici, est-ce que c'est les chats russes qui rentrent dans Paris. Donc on a cette mannequin qui est Roxane Gould, qui sera une mannequin internationale aussi dans la vraie vie, et dont Ne réveillez pas un flic qui dort sera le seul rôle au cinéma. Et donc voici l'extrait qui donne son titre au film. Je vous passe ça tout de suite. Il semblerait que j'ai perdu la moitié de ma clientèle d'assassins cette nuit. Alors tu peux retourner en dodo ou faire un gros câlin ensemble. Trop tard, Jean. Faut pas réveiller un flic qui dort. Donc on se retrouve face à la phase intéressante d'adaptation du roman pour deloniser Grindel. On a ce côté-là. Hein. On a un personnage vraiment où, cette fois, un personnage qui doit s'effacer devant l'acteur, et non l'inverse. À partir de là, ça peut quand même assez mal partir. Les choses peuvent assez mal partir. Donc, les principales différences entre le Grindel de Delon et le Grindel de cinéma, c'est que le Grindel de roman, première chose, il vit seul et non pas avec une mannequin. Voilà, c'est quelqu'un qui se parle à lui-même. C'est quelqu'un qui habite le 20e arrondissement parisien, un quartier plutôt populaire, alors que là, on est à Saint-Cloud, dans un grand appartement. Que le Grindel de roman est un amateur d'art, notamment les tableaux de Roland Cattes. Éventuellement, je mettrai soit un petit lien dans la fiche de l'épisode, juste pour voir à quoi ça ressemble à peu près. Ensuite, on a quelqu'un qui est grand, qui a 50 ans, qui a les yeux bleus, qui a un visage sensuel. Bon, à partir de là, on est à peu près dans les mêmes canons de beauté. Quelqu'un qui est blasé de la police, parce qu'il n'a pas pu changer ou influer, on va dire, les choses dans son sens. Il n'a pas pu changer le métier de l'intérieur comme il l'aurait voulu, ou autant qu'il l'aurait voulu. Donc là aussi, comme pour les membres de Fidélité Police, qui sont montrés par Fajardi comme ayant quand même quelques neurones en fonction, bah le processus d'adaptation s'est porté principalement sur la réduction de personnages à ce qui sera des simples caricatures. Ce qui fait qu'on va peu à peu, si ce n'est déjà, regarder le film, mais pour de mauvaises raisons. À savoir, on va dire, on peut se poser la question, jusqu'où ils vont pousser dans la caricature et dans le, entre guillemets, dans le mauvais. Et là, on peut avoir une réflexion par rapport au personnage féminin qui entoure Delon, à savoir que si on compare Parole de flic, voilà, qui est du même trio, le problème de cette équipe, c'est sur un sujet quasi similaire, comment ne pas faire de redite. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que tout ce qui marchait à peu près ou qui avait un intérêt, un enjeu dans Parole de flic, les enjeux n'existent plus ou sont enlevés ou sont déplacés pour des choses peut-être moins intéressantes dans Ne réveillez pas un flic qui dort. On prend le cas en effet de la relation avec Delon et un personnage féminin. Bah là, entre guillemets, tout lui tombe dans le bec quasiment. On a, voilà, il a une compagne. Heureusement, c'est une mannequin. Voilà, il y a pas, et tout est déjà fait dès le début du film. Voilà, il y a pas de processus de séduction, par exemple, ce qu'il y avait dans Parole de flic avec Fiona Gillin, par exemple, et qui avait elle-même un personnage, on va dire, par rapport au personnage de mannequin, quelque chose d'intéressant à défendre. Plutôt que Roxane Gould. À mon avis, Roxane Gould, on ne lui a pas demandé d'étaler de défendre des grands talents de comédienne. Voilà. Donc il y a ce côté-là aussi qui peut, par rapport à Parole de flic, voilà, on veut éviter une redite. Le problème, c'est que ce qui est proposé d'autres, c'est peu intéressant. Et au contraire, ça renforce un caractère, on va dire, delonien. Ça signifie vraiment pousser vers Delon, vers sa propre caricature. Et c'est déjà un point faible. C'est déjà important avec Parole de flic, mais il y avait quelque chose à défendre dans le scénario. Là, le problème, c'est qu'on a quelque chose de similaire, mais de moins bien. Et ça se voit. Donc pour la suite, Grindel arrive au commissariat et un des passages qui aurait pu être supprimé, bah il est gardé, à savoir celui avec le flic sympathique. Dans le film, il s'appelle Danny, mais un flic donc odorant, rondouillard, moustachu et qui sera là donc pour placer, on va dire, les quelques répliques marrantes ou qui se veulent marrantes à base de merguez. Voilà, c'est digne d'un Philippe Clair. Alors vite fait, Danny joué par Daniel Milgram qui aura fait aussi quelques figurations, quelques rôles secondaires voire tertiaire. Bon, si on prend vite fait sa filmographie, on le voit dans La Carapate, dans Les Réformés se portent bien, dans Banzai par exemple, dans Trois hommes et un couffin, puis plus tard, enfin après Ne réveillez pas un flic qui dort, Ripoux contre Ripoux, et même voilà, vers la fin de carrière, donc Un amour de sorcière, Le Bossu, Le baiser mortel du dragon, Femme fatale de Palma et Darling avec Marina Foïs, ouais, pour son dernier rôle en 2007. Alors par contre, donc on garde ce passage, par contre on supprime dans le roman le passage avec un prof de philo, donc toujours dans ce commissariat, qui a été arrêté pour avoir tapissé les murs des WC d'un bar qu'il considère comme tenu par des racistes. Donc il a tapissé ses toilettes de ses propres excréments et donc il se retrouve assis au commissariat et il va y avoir donc une passe d'armes entre guillemets entre lui et Grindel qui le fera libérer, tout en montrant qu'il est capable d'humour subtil et d'intelligence. Et notamment ici, c'est ce passage-là où Grindel cite Lautréamont, à savoir donc « Les poux sont incapables de commettre autant de mal que leur imagination en médite ». Donc ça change quand même un petit peu de ce qu'on peut voir dans le dans le film où on a juste les seuls traits d'esprit, c'est à base de merguez. Bon, c'est un peu différent. Bon bref, pour la suite, on a donc Delon qui va voir le directeur, alors, qui dans le film et dans le roman s'appelle Casalière, qui est joué par Raymond Jérôme, qui a plusieurs aussi second rôle assez prestigieux dans Le Chacal, dans Le Magnifique, dans Tendre Poulet, dans L'Animal, Le Coup du Parapluie, et c'est aussi, par exemple, aussi celui qui joue Necker dans Les Années-Lumière de Robert Enrico. Donc, quand Grindel se déplace pour aller vers le bureau du directeur, il voit donc que beaucoup de flics sont en joie après l'annonce des meurtres de la nuit. Et par contre, Grindel, ça le désole parce que lui, les truands, c'est ce qu'il dit, il préfère les voir aux assises que victimes d'une justice expéditive. Et donc, on apprend que Casalière lui confie l'enquête et qu'il lui met donc deux assistants, à savoir François Perret, donc joué par Patrick Catalifo, qui a l'estime de Grindel, et donc Robert Lutz, hein, joué par Deluc, comme on l'a déjà vu. Et par contre, là, Grindel a un avis négatif sur lui. Pour lui, c'est un petit merdeux qui se croit à sas. Il est connu pour ses idées d'extrême droite. Donc ça vaut quelques traits, quelques qualificatifs, comme voilà, c'est un crétin tout-terrain, c'est un crétin 4x4. On sait dans le roman qu'il s'est fait remettre à sa place par un autre inspecteur de la boîte, Padovani, car Lutz donc sifflait le Ortswechsel Lieder, donc dans les couloirs, qui est un chant nazi des années 30. Et donc le directeur le convainc Grindel, en lui disant que Lutz s'est recommandé par Scatti et qu'il considère cela comme un cadeau de retraite, un cadeau de départ en fait, voilà, fait à Scatti. Ensuite, donc on a la secrétaire de Casalière qui s'appelle Corinne, alors qui est absente du roman à part à la fin, et dans le film on sent qu'elle n'est pas insensible au charme de Grindel. Elle est jouée par Consuelo de Havilland, donc qui a joué dans alors le Lady Oscar de Demi, dans 37 de Le Matin de Benex, dans L'insoutenable légèreté de l'être de Philip Kaufman, d'après Kundera, et on la retrouvera dans Dancing Machine, j'en parlerai peut-être lors du supplément s'il se fait, et aussi donc Betty Fischer de Claude Miller. Voilà. Bon bref, la secrétaire, donc Corinne, fait rentrer Perret. On découvre donc qu'il a une main gantée. On saura plus tard comment il l'a perdue. Et ce n'est pas le cas dans le roman. Voilà, c'est un ajout pour le scénario. Donc on sait dans le roman qu'il a 35-36 ans, qu'il a une femme, qu'il a un enfant et qu'il est plutôt petit, blond, visage fatigué. Donc blond, voilà, là on passe. Catalifo, il est brun. Et donc Lutz aussi qui rentre. Donc ce dernier, il est rapidement écarté par Grindel pour faire du travail de bureau, tandis que Perret va assister Grindel sur le terrain. Et on voit que Lutz est certes obéissant, mais complètement dégoûté de ne pas pouvoir être plus au cœur de l'action et pouvoir surveiller un peu plus, parce que c'est son rôle par fidélité de la police, surveiller un peu plus Grindel et l'avancement de son enquête. La suite se passe donc dans la cafétéria du commissariat où Scatty et Grindel se croisent rapidement et encore on se demande pourquoi, c'est-à-dire que c'est Scatty qui est assis à une table, qui balance un gobelet en plastique par terre et Grindel qui passe là, le ramasse et lui remet sur la table, il se sourit entre guillemets l'un à l'autre et puis c'est tout. Mais bon, c'est histoire que Delon et Serrault aient le minimum requis de scène en commun et comprendre qu'ils travaillent dans le même commissariat, ce qu'on avait compris avant cette scène puisque on avait appris que Lutz avait été imposé par Scatty à Grindel. Donc on est dans une ambiance sympathique, voilà, avec Perret et Grindel qui partagent un café pour nous faire prendre conscience donc que les deux s'entendent bien et se respectent, tandis qu'autour d'eux il y a une ambiance joyeuse. Voilà, la cafétéria, le décor il est un peu quand même un peu cheap. Voilà, il y a des bougies éclatantes sur des sandwichs pour fêter le carnage de la nuit passée. Et on entend des langues de belle-mère, une policière qui fait un concours de lancer de cacahuètes dans sa bouche, etc. Bon, bref, ça fait assez cheap et ça enlève de la pression justement à ce que le film soit plus resserré, plus tendu. Ça enlève ça. Et on en profite pour remettre un coup avec le gag du policier damné, voilà, qui sent mauvais, qui prévient Grindel qu'on l'attend dans son bureau. Voilà. Donc dans le roman, Grindel et Perret font connaissance pendant 2 heures. Ils se découvrent une passion mutuelle pour la littérature allemande et pour Proust. Il y a aussi une allusion au général Gamelin qui aimait Proust. Perret, voilà, lui, souvent, enfin, on a accusé Gamelin d'être un des principaux responsables de la défaite de 1940. Ça donne une pensée à Perret. Tant qu'à perdre les guerres, autant que ce soit la faute de la littérature. Donc c'est là qu'est abandonnée une des plus belles idées ou images du roman. Le fait que la guerre de 1870 entre la France et la Prusse avait une consonance dans la famille de Grindel, notamment sa grand-mère. Pour elle, la guerre de 70, elle est représentée par un uhlan, qui si on prend la définition est un cavalier armé d'une lance dans les armées slaves, donc l'équivalent du lancier pour les armées françaises, merci Wikipédia. Et donc cette grand-mère, la grand-mère de Grindel, voilà, représentait la guerre de 1870 par ce uhlan qui s'arrêtait tous les soirs au sommet d'une colline qui surplombait son village. Et elle en a parlé à Grindel quand il a passé son enfance chez elle pendant 4 ans. Pour Perret, par contre, c'est la peur du temps qui passe, la peur du vieillissement qui vraiment l'angoisse. Et à la fin de cette discussion, Grindel lui dit qu'il est content de le connaître. Sans aller aussi loin dans le côté littéraire de cette histoire, on peut penser que pour le film, il aurait pu y avoir un effort de fait pour que cette scène soit intégrée au métrage, histoire de faire un beau moment entre les acteurs. Là, voilà, ils partagent un café, c'est très vite, et puis finalement, ils vont retourner dans le bureau. Voilà, le cas de la cafétéria par rapport au café plus, alors sans forcément être luxueux, mais plus intimiste. Voilà, là on a une ambiance de... Je vais pas dire qu'ils font la queue leu derrière, mais voilà, ça gâche la scène, ou ça lui enlève de ce qui aurait pu être un beau moment dans le film. Donc là aussi, c'est bizarre qu'on rajoute la gaudriole, voilà, enfin, il y a des moments pour ça, mais on enlève tout ce qui aurait pu constituer un beau moment pour le film. Donc là aussi, il aurait pu être re-up, upgrade, voilà, comme ça ici, si on n'avait pas laissé de côté ces beaux moments avec Delon et Catalifo, après sans forcément citer Nietzsche, Schopenhauer, Proust, c'est pas le but, mais montrer qu'ils ont un intérêt commun et une intelligence commune, ça aurait pu être sympathique. Si on revient au film, donc ils reviennent dans le bureau, on voit que Lutz est au téléphone, qu'il le passe à Grindel pour lui passer un soi-disant témoin de la mort de Zelem. Donc ce témoin se présente comme s'appelant Riton. Dans le film, il est joué par Vivien Sauvage, que vous connaissez peut-être si vous avez vécu les années 80, voilà, ici, pour sa chanson La Petite Lady. Et donc ce film, ce sera sa seule véritable incursion sur le grand écran. C'est un rôle très court, puisqu'il se fait tuer au téléphone, alors qu'il est au téléphone, par des policiers. Voilà la mitraillette, et assez facilement on comprend que c'est Lutz qui a dû les prévenir du fait qu'il a eu Riton juste avant au téléphone. Et quand Grindel et Perret arriveront sur les lieux, il sera complètement exsangue, complètement vidé de son sang, et ça sera la cause de sa mort. On passe à la suite. Cela donne lieu à la scène suivante, qui est une scène embarrassante et qui n'apporte rien à l'avancée de l'enquête, mis à part pour comprendre, comme Grindel le dira plus tard, que même sur un simple soupçon, faut quand même aller voir où mène une piste, même si elle semble éloignée de l'enquête. Mais non seulement ça n'apporte rien, mais en plus c'est un moment qui va être embarrassant, car Grindel a affaire au personnage de Lionel Touré, qui est joué par Narsen, qui croisera dans Les Braqueuses ou dans Elisa de Becker, et qui tient le garage où Riton, donc le personnage joué par Vivien Savage, le témoin, soi-disant témoin du meurtre de Zelem, la première victime, donc ici, tient donc le garage où Riton s'est fait descendre. Et on a affaire un peu à un cliché du noir un peu mystique. Voilà, on a ce côté-là qui en appelle au dieu, quel qu'il soit. Et j'avais hésité à passer cet extrait de dialogue, mais comme on va dire, entre guillemets, qu'on a le temps, je vous passe un petit peu cet extrait pour voir un petit peu l'étendue du malaise. Tu viens pour Riton ? Riton, il disait toujours « non foutur », comme ça, « non foutur ». Putain, mais qu'est-ce que vous voulez? Dieu l'a entendu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour Riton. Tu l'as écouté ta brebis, malgré qu'elle était toute pourrie. Mais Seigneur, cette brebis-là... J'ai peur que la machine se chauffe. Une super dalle. Essaye pas de la becter. Aïe. Mort de tes os, Seigneur. Mort de tes os. Bon, t'arrêtes ton cinéma ou tu vois ça façon Paramount? Où t'étais quand c'est arrivé? Le sixième sens, mec. J'étais au tabac d'à côté, le terminus. T'as rien vu? Juste les doudounes de la patronne, mec. Tu mets 10 balles sur le comptoir. Tu lui dis, doudoune, et elle te fait voir. Mais t'as pas le droit de toucher, mec. Sois pas triste, c'est la vie, mec. Je suis jamais triste, moi. Pourrit-on? Si c'est la volonté d'Allah, faudrait mieux ne pas trop discuter avec Allah, mec. C'est juste un conseil d'ami. Arrête de m'appeler mec. Il t'a rien dit, Riton, à part nos futurs? Il m'avait juste dit d'un air mystérieux. Je vais me placer là où tu m'attends pas. Et il avait raison, mec. Je ne le voyais pas se placer si vite. Au cimetière de Pantin, de Riton. C'est quoi tous ces tas-là? Pas d'ironie, mec. Les 4 L Marcel, c'est vachement smart. Les tirs les plus sordides de Paris, mec. C'est cette certitude absolue qui séduit la clientèle. Je te dis que je peux pas satisfaire la demande. Par ça, t'as pas d'autres projets, style quitter Paris dans les 48 heures? Si t'étais un pauvre con de négro, tu aurais des projets, mec? Et toi? C'était un pauvre con de flic. Bah, si un détail te revient à l'esprit, on sait jamais, pense à moi. T'auras un pote commissaire, d'appréciable par les temps qui courent. Donc ça va un peu de soi, une scène qui n'apporte rien de plus, qui s'étire, qui fait que le film, voilà, qui n'est pas forcément très long non plus, pourrait gagner en tension à être plus resserré, et surtout en enlevant des scènes comme ça qui, on ne le retrouvera pas après, que ça n'apporte rien sur ce qu'aurait vu Riton, il n'y aura pas laissé d'indices, et mis à part ça, bon, pour ce qui est du roman, donc cette scène est bel et bien présente, on apprend que Touré a été condamné pour attentat à la pudeur, qu'il a une maîtrise en sociologie, qu'il a comme projet, alors ça, certainement, ça aurait trop dérangé à part les 4 L Marcel, il avait comme projet un prototype de, entre guillemets, et signant le roman, voiture pour arabe, qui serait une 404 avec des cajots à l'arrière et qui ferait fureur chez, entre guillemets, les bobos de l'époque. Et le but de Touré, c'est un peu cynique, même très cynique, c'est que cette voiture étant identifiée comme étant plutôt tenue par des arabes, et ben donc les bobos de l'époque se seraient fait allumer par les flics lors de barrages routiers. Donc c'est côté cynique du personnage de Touré qui en ressort, et n'aurait pas été, même pour l'époque, n'aurait pas été politiquement correct. Mais voilà, on se retrouve face à une scène, alors là on enlève des scènes qui peuvent apporter de la profondeur au personnage, puis on se retrouve avec d'autres scènes qui, alors on ne sait pas trop si c'est pour faire ambiance de l'époque, voire de long, face à ce qu'on peut représenter la France nouvelle de l'époque ou des choses comme ça. Et on n'a pas, voilà, on n'a pas l'impression que cette scène, plus voilà, il y a un surjeu, bon, enfin, c'est un peu comme beaucoup d'acteurs, mais voilà, qui n'apporte rien et qui en plus est embarrassante, interminable et qui freine le film, qui freine l'action d'un film qui en a besoin, qui a besoin de tension. Mais qui sait, peut-être que la scène suivante en apportera. Donc au bout de 25 minutes de film, on se retrouve dans un terrain vague où se trouve donc une estafette de la gendarmerie. Un des capitaines a rendez-vous avec Scatty qui arrive en voiture. On suppose accompagné de la Tueva. Donc on voit qu'il y a un appel de phare comme code. Donc le gendarme fournit les preuves que les armes qui ont servi à la nuit du carnage, enfin des carnages, ont bien été fondues. Et dans le roman, on cite notamment des armes nazies, enfin, typiques des nazis. Pour anecdote, donc, ce gendarme, dont vous allez certainement reconnaître la voix, puisque j'ai passé l'extrait audio de cette scène, il est joué par Daniel Beretta, qui est le doubleur attitré de Arnold Schwarzenegger. Et c'est son dernier film en tant qu'acteur live, dernier film pour le cinéma. On voit qu'après un début de conversation assez courtois, Scatty va se mettre en colère. Donc ça, je vais tout de suite, vous passer l'extrait. Sur la fin, on entend donc Spiro joué par Stéphane Joubert et Lutz qui sont en camouflage sur un point haut du terrain vague avec un bazooka. Donc et donc c'est eux qu'on entend à la fin de l'extrait. On en parle tout de suite après. Nous avons suivi vos consignes de sécurité à la lettre. Nous avons fait fondre les armes qui ont servi aux exécutions. Fidélité de la police vous remercie, capitaine. Le jour venu, vous ne serez pas oublié. Merci. Mais justement, nous pensons qu'il est temps de préciser un point important. La gendarmerie ne se contentera pas d'opérations subalternes. Qui dit cela ? Moi. Moi et mes hommes. Se réclamant de vous, nous essaimerons dans la gendarmerie et de là, dans l'armée. Je vous interdis formellement de prendre la moindre initiative. Il y a un problème, Spiro. Il m'a fallu 20 ans pour mettre sur pied Fidélité de la police, pour sélectionner les meilleurs et ficher nos ennemis. 20 ans pour mettre au point la plus belle des machines de guerre jamais conçues contre la pègre et le communisme. Vous êtes un danger, capitaine. Vous êtes notre ennemi. Ce que je peux apporter en complément par rapport à cette scène, c'est que tout d'abord, dans le roman, elle ne se passe pas dans un terrain vague, mais place du Trocadéro. On peut imaginer le refus des autorités d'accorder l'autorisation de tournage près de la tour Eiffel, avec une scène qui en plus inclut un tir au bazooka. Voilà, c'est la première chose. Ensuite, ça nous montre aussi le côté... Enfin voilà, donc après cette scène, donc Scatty, donc Cero, retourne à sa voiture. C'est le signal en déployant un mouchoir. Donc c'est le signal comme quoi il faut éliminer les gendarmes pour Spiro et Lutz. Dans le roman, bon, il s'en va en courant, c'est ça le signal. Et donc Spiro met assez vite l'estafette en visée du bazooka. Et donc on a le gendarme joué par Daniel Beretta qui rentre dans l'estafette, qui pleure. Alors là, c'est un peu un point d'interrogation pour un gendarme, parce qu'il semble avoir été giflé quand même par Scatty. Et dans le roman, il ne pleure pas. Il a plutôt, en effet, une peur terrible qui s'installe en lui. Et à l'arrière, donc, on voit notre gendarme joué par Philippe Naon, une célèbre gueule du cinéma. Et voici un petit peu ce qu'il pense et ce qu'il compte faire à la suite de cet affront fait à la gendarmerie. Je vous passe tout de suite le dialogue et on en parle tout de suite après. Alors, mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait ? Capitaine, ça va pas ? Il faut tout balancer à la hiérarchie. Qu'est-ce qui s'est passé, mon capitaine ? Ils veulent mettre la barre trop haut ? La barre. Ils veulent nous la mettre dans la gueule, la barre. On ne pourra jamais les contrôler. C'est des fanatiques. Tant qu'on aura ça, mon capitaine, rien n'est foutu. Fight ! Donc Donc c'est ce qu'on voit après être rentré dans l'estafette, le fait que le gendarme veut tout balancer à la hiérarchie, même si ça leur coupe donc 20 ans de prison. Pour eux, c'est clair, les types de fidélité de la police sont dingues, voilà, et ils ont conscience d'avoir contre eux la plus terrible des organisations secrètes, le plus redoutable groupe de terroristes qui puisse exister, une structure secrète de flics fanatiques. Mais donc, c'est ce qu'on voit, l'estafette est explosée par la roquette, et donc cela montre que Scatty ou que Fidelity la police n'hésite pas à tuer même des gens qui seraient des alliés, et que Scatty est un jusqu'au boutiste dans son plan. Dans le roman, on voit en plus, enfin, on en sait un peu plus sur sa méthode. Là, dans le film, on entend voilà, qu'il a mis 20 ans à mettre en place son organisation, mais voilà, on a vu, dans le roman, on voit un peu plus sa méthode. Première chose, qu'il a créé des centaines de clubs, des amicales, des groupements sportifs, culturels, des associations, et tout cela uniquement pour sélectionner des membres, localiser les sympathisants et identifier les ennemis. Donc, il y a ce côté vraiment fanatique de Scatty qui ressort de cette scène. Donc, elle a vraiment un intérêt. Après, pour ce qui est du jeu de Cerro, on reste sur la même chose. Hein. C'est toujours, c'est-à-dire qu'il est égal à lui-même. Il est dans le surjeu, mais pour autant, voilà, il va être cohérent. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est ce qu'on verra aussi dans les commentaires où certains disent que il est convaincant. On va dire qu'il a adopté un angle d'interprétation pour ce rôle. Il n'a pas grand-chose à défendre. Mais bon, il fait avec ce qu'on lui donne, donc au mieux il surjoue pour être présent, c'est un peu dommage peut-être. Donc là aussi, il y avait moyen certainement d'étoffer ce personnage et d'en faire autre chose que quelqu'un qui est capricieux, qui est fanatique, qui a de ses colères, qui est jamais content. Bon, bref, c'est un peu. On lui donne une partition monocorde ou monotone à jouer. Donc il essaye de varier autant qu'il peut, mais on reste toujours sur la même corde et sur le même ton. Donc là aussi, c'est dommage pour ce film-là de ne pas avoir étoffé, ne serait-ce que Cerro, que Scatty, aussi ceux qui l'entourent. Hein. Je l'ai déjà dit, ils ont. Enfin, comment dire, il y a le côté où il aurait pu avoir autre chose qu'une terreur. Enfin, la terreur par la violence, c'était une chose, et c'est sur ça que va jouer le film. Mais voir aussi des gens qui sont fanatiques par l'idéologie, il y a un côté aussi glaçant, et qui aurait pu, encore une fois, donner plus de tension au film et plus d'impact. Voilà. Donc là aussi, c'était peut-être une piste à fouiller pour améliorer le film. Allez, on passe à la suite. À savoir donc la scène où Lutz, Perret et Grindel sont en voiture pour aller sur les lieux d'explosion. On voit que Lutz a eu du mal à se lever après une nuit que nous, spectateurs, on sait justement que cette nuit a été chargée. Et il est content, lui, justement. Voilà, pour lui, le terrain, c'est formateur. Et justement, il n'est plus dans les bureaux et il est content d'être là. Mais bon, ça n'empêche des reproches déguisés de la part de Grindel. Sur place, le commissaire Parard les accueille. Grindel dit qu'il est là en tant qu'observateur, mais assez vite, il est en mode inspecteur, puisqu'il inspecte justement l'estafette, et il sort les armes des gendarmes, par exemple. On apprend alors aussi que Perret est jeune père, et il raconte l'histoire justement où il prenait le bain avec son bébé, puis que en effet, des jouets Otari, donc qui étaient au nombre de 3, se sont dirigés tout en même temps, avec des ressorts mécaniques, se sont dirigés à 3 en même temps vers son cœur. Ce qui est mauvais présage pour lui, selon lui en effet, c'est le signe comme quoi il va mourir de 3 balles dans le cœur. Bon. Par la suite, donc, Grindel relève les armes et il recherche donc le contexte de l'explosion de la roquette et l'endroit d'où elle a été tirée. Puis assez vite, donc, ils se mettent au volant. Enfin, Delon va se mettre au volant d'une machine de chantier. Il embarque Lutz et Perret. Et durant le trajet, donc, il fait part de ses déductions. Que les gendarmes n'étaient pas en mission, mais ils étaient armés jusqu'aux dents et en uniforme. Donc, ils n'ont pas fait ça, c'est ce qu'il dit, pour un paquet de malabar. Ensuite, quand ils arrivent au sommet du chantier d'où la roquette a été tirée, on a Delon qui fait un Grindel qui fait, voilà, à mon avis, ils étaient là. Donc c'est le côté vraiment omniscient de Grindel qui gêne aussi le suspense ou voilà, l'impression que, limite, il ne se casse pas la tête, qu'il sait tout d'avance. Donc entre guillemets, aussi pour faire avancer l'enquête ou le suspense, etc., ça pose souci. Et justement, on a une réflexion de Lutz, de Deluc, qui va se demander pourquoi est-ce qu'il s'embête à enquêter sur ces meurtres de gendarmes, alors que justement ils sont déjà occupés avec les meurtres de truands. Et donc, là aussi, on voit dans cette scène le côté jusqu'au boutiste de Grindel, qui fait donc allusion lui aussi à sa méthode. L'idée, comme pour Touré, qu'il va vérifier pour son enquête toutes les pistes, même si le lien est mince. Et donc ça donne lieu à sa réplique « Rien n'est jamais neutre a priori quand je suis sur une affaire ». Voilà, donc l'idée, encore une fois, que Grindel est omniscient. Et dans le roman, justement, il poursuit. « Existerait-il une chance sur mille qu'il y ait un lien ? Je fonce là-dessus. » Objectivement, c'est un travers, et faute de rigueur, on en arriverait rapidement à distordre les faits. N'empêche, à propos de faits, j'ai été divisionnaire à 43 ans. Il s'en est fallu d'rien que je sois le plus jeune divisionnaire de France, gamberger là-dessus. Fin de citation. Autre différence, dans le roman, ce n'est pas Lutz, mais c'est Perret qui arrive en retard, et il a un look improbable, donc enfin, ou très. Voilà, qui aurait tranché au cinéma, donc à la limite, ça, le fait qu'il l'ait enlevé, c'est pas une mauvaise chose. Donc un chapeau, un imper, et une cravate club nouée, et là de même, on est dans le bureau de Grindel, et non pas au Trocadéro, voilà, ou sur le terrain vague. Là aussi, il raconte l'histoire des trois otaries, qui est la cause de son retard. Là aussi, donc c'est toujours la même chose, il y voit une prémonition comme quoi il va prendre 3 balles dans le cœur. Lutz plaisante sur ce fait, en demandant justement qui serait cette vieille otarie derrière l'arme, ce qui déplaît fortement à Grindel qui le reprend, et ce qui fait rire intérieurement Lutz, qui imagine la comparaison vieille otarie Scatty. Parce que voilà, il imagine que Scatty, à un moment ou à un autre, risque peut-être d'avoir comme projet de faire la peau, de tuer Perret. Toujours dans le roman, après le départ de Grindel, on assiste à un échange fugace de figures de rhétorique entre Perret et Lutz, qui est remporté par Perret, mais on aurait du mal de toute façon à imaginer dans le film de Luc sortir comme dialogue « ça c'est une litote », voilà, ça aurait fait tâche, et donc il y a obligation de faire autrement. C'est ce qui va se passer dans la scène suivante où il y a un grand écart entre le roman et le film. En effet, la scène suivante est inutile. On voit donc Grindelon qui dépose sa mannequin copine Jennifer à l'aéroport. Elle s'en va pour Berlin avec d'autres collègues mannequins. Et à part montrer Delon au bras d'une belle fille, d'une belle femme, la scène n'a vraiment que peu d'intérêt. Par contre, si on prend celle du roman, elle remplace donc, cette scène-là remplace un déjeuner que Grindel et Perret devaient avoir ensemble. Alors rapidement, qu'est-ce qu'il se passe durant cette scène? Donc on est dans un restaurant du 4e arrondissement de Paris. On apprend donc la fascination pour le passé qu'a Perret, notamment les petits commerces qui survivent tant bien que mal face aux grandes surfaces, le fait qu'il ne croit plus en rien, qu'il ne croit plus en son boulot, qu'il ne croit plus en la politique, qui ne croit plus en les hommes. Et on apprend aussi que la femme de Perret est activiste pour l'Amérique centrale, qu'elle l'entraîne dans des réunions débats qu'il trouve assez pathétiques. L'idée que les gens qui veulent le bien, finalement, ont peu de moyens face à ceux qui veulent vraiment le mal. De l'autre côté, Grindel dit de passer outre le passé, de vivre au présent, que le passé on ne peut pas revenir dessus et qu'on ne peut construire qu'en partant de ce qui se fait maintenant. Ensuite la discussion se poursuit de manière un peu plus philosophique, notamment où on parle de Schopenhauer avec Grindel qui parle en effet de la navigation entre la souffrance et l'ennui, et Delon aurait dû sortir une réplique sur Schopenhauer qui est un philosophe pessimiste qui s'opposait à l'école post-kantienne comme Fichte et Hegel, et que les trous du cul de nouveaux philosophes ont fait de même récemment. Donc c'est clair que ça sonne pas commercial, mais on peut imaginer quelque chose de plus grand public, juste comprendre encore une fois qu'ils ont une connexion littéraire. Ouais, il y a ce côté-là. Si ce n'était dans la scène de la cafétéria, au moins une scène intimiste très rapide, aussi rapide que cette scène de Delon qui amène sa copine à l'aéroport. Donc ensuite, juste pour terminer, il y a donc d'autres discussions, d'autres thèmes, comme le fait que désormais, les gens font plus des rêves de révolte que la révolte même, des choses comme ça. Et enfin, dans le roman, ce repas entre Grindel et Perret laisse Lutz libre de ses agissements. Et donc, il peut être présent dans la scène suivante, alors que dans le film, comme il est pris avec Lutz et Perret dans le terrain vague, et bah donc son personnage va être remplacé dans la scène suivante par un autre Valès qui va être joué par Dominique Valera. On se retrouve donc aux abords d'une fête foraine où on voit Spiro donc revenir avec une glace pour Scatty qui est dans la voiture. Donc là, tu Eva, jouée par Bernard Farcy, est à l'arrière du véhicule avec Vallès, donc joué par Dominique Valera, qui est plus connu comme karatéka et qui a fait l'acteur donc dans Parole de flic, où son talent pour la scène qu'il a à faire est très bien exploité. Il a fait aussi quelques figurations dans Twist Again à Moscou et Terminus, le film de science-fiction avec John Hallyday dans les années 80. Si on reprend le film, donc Scatty, on voit qu'il a les fourrins en horreur, c'est ce qu'il dit, voilà, il vante du désordre, de la fête, des cris, du rire, de la vulgarité, et qui plus est, il est cassant, hein, c'est un peu sa technique avec ses hommes, là en l'occurrence avec Spiro, qui s'impatiente du fait que la personne qui les attend n'arrive pas, et donc Scatty qui va dire « pas d'impatience Spiro, je déteste l'impatience, c'est féminin ». Dans le roman, Lutz qui est présent, donc comme je l'ai dit précédemment, on voit qu'il a comme plaisir de titiller de plus en plus Scatty. Et notamment, il informe sur un supposé rite scabreux entre magistrats, qui sont accusés donc de ruiner l'autorité et l'ordre. Je ne vais pas plus en détail sur ce rite. On voit aussi que Lutz aime bien faire cela, mais sans raison. Parce que, dans le fond, il respecte profondément Scatty. Il n'empêche qu'il poursuit sa démonstration sur le fait que le rite que les avocats feraient a lieu peut-être dans la police, et dans ce cas-là, ça vaut l'affirmation de Scatty comme quoi, si tel était le cas, il faudrait donc purger les éléments mauvais de la police. Donc Scatty et son équipe, on voit qu'ils sont en planque pour intercepter un dénommé Stadler, qui va être interprété par Fyodor Atkin, qui est une gueule connue du cinéma, un éternel peut-être second rôle, mais assez marquant, et aussi connu pour son activité de doubleur, notamment de William Hurt, de Ben Kingsley, et aussi de Hugh Laurie dans Doctor House, c'est lui qui l'a doublé. Dans le roman, Stadler nous est écrit comme quelqu'un ayant 35 ans, bien pâti, assez grand, voilà, portant une chemise grise en coton, un blouson de cuir usagé, et un vêtement de velours bleu marine, et des mocassins grenat, voilà, si vous voulez vraiment tout le détail, vous l'avez. Ensuite, on voit qu'il pleut. Donc Sadler sort de sa maison, il est suivi, et à partir du moment, on va voir qu'il se rend donc au cimetière, ce qui va être le Père Lachaise, et de la voiture donc sortent Vallès et la Tueva. Donc dans le roman, c'est la Tueva et Lutz. On l'informe aussi que Stadler a l'habitude, donc est un ancien tueur, qu'il est toujours armé, et on l'informe même qu'il a un P38 à l'aisselle gauche. On est donc au Père Lachaise, dans le carré des morts communistes, notamment la tombe de Paul Éluard, de son vrai nom, Eugène Grindel, c'est ce qui a donné le nom à l'inspecteur joué par Delon. Cela va donner lieu à un dialogue entre Vallès et la Tueva, où justement on veut encore appuyer sur le côté crétin de ces membres de fidélité de la police, notamment sur le fait de savoir qui est Paul Éluard, avec Stadler qui se repose sur sa tombe, et ça donne lieu à ce dialogue assez consternant. J'aurais dû m'en douter. Stadler est au carré du Parti communiste. Le charnier des gloires judéo-bolchevique. Qu'est-ce qui branle ? Il est sur la tombe d'Éluard. Qui ? Paul Éluard. La terre est bleue comme une orange. Un de leurs poètes de merde. Ça... Stadler quitte le mur des fédérés et se fait intercepter donc par Vallès et la Tueva sur la tombe de Jean-Baptiste Clément, qui est l'auteur du Temps des cerises. Et dans le roman, Lutz est frappé par le fait que Stadler n'a pas peur. Voilà, malgré le fait qu'il soit encerclé, qu'on lui enlève son pistolet et qu'il soit visé. Voilà. Alors on sait que c'est un terroriste. Et dans le film, voilà Tueva, donc Bernard Farcy, qui demande qui est Jean-Baptiste Clément. Alors que, soi-disant, la Tueva est un amoureux de la culture française. Là, dans le film, clairement, ça nous fait... Il passe pour un crétin intégral qui, en plus, voilà, s'y renverse un vase d'eau croupie sur la tombe de Jean-Baptiste Clément. Dans le roman, il urine directement sur la tombe. Stadler est donc embarqué dans la voiture. Il se fait retirer ses artifices puisqu'il a un dentier, une perruque, une moustache. On apprend encore plus. C'est un ancien gauchiste, un ancien communiste qui va titiller la Tueva, qui est juste assis à côté à l'arrière de la voiture. Voilà, il le traite de petit rat. Dans le roman, c'est Lutz qui a, entre guillemets, le droit à ce traitement. Entre guillemets, voilà, il a d'autres... Stadler a d'autres affirmations. Voilà, t'as une gueule de violeur, t'es un vrai faf. Tu devrais poser pour l'affiche du gala annuel de la Das Reich. Et Stadler continue dans sa provocation, que ce soit avec la Tueva, que ce soit avec Lutz dans le roman. Et finalement, c'est un des personnages à sauver du film. C'est-à-dire que pour ces personnages, voilà, ce qu'ils auraient pu être d'autres, là, Stadler, la façon dont Fyodor Atkin l'interprète, bah, à la limite, c'est un des personnages à sauver et qui se suffit à lui-même. Voilà, il aurait fallu le garder comme ça, donc juste pour la suite. Les autres provocations, c'est un peu l'idée de ses anciens combats qu'il avait contre les FAF quand il était plus jeune, notamment des balles dans les genoux pour les achever à coups de pompe. Puis après encore quelques mots doux, on arrive donc dans un hangar où Stadler donc se fait tirer une balle dans le genou pour faire avouer des attentats terroristes que Scatti énumère, mais dont personne n'a jamais eu la preuve de l'implication directe de Stadler. Et on va voir aussi que ce soit dans le roman, que ce soit dans le film, même si c'est plus sous-entendu, Scatti, estime beaucoup l'intelligence de Stadler. Il a conscience qu'il n'a rien à voir avec la racaille qu'ils ont exécutée jusque-là. Et ça me permet de passer ce dialogue, donc, qui va amener à l'exécution de Stadler. Ce n'est qu'un début. Continuons le combat. N'essayez pas de vous relever. Appuyez-vous sur le coude gauche. Là. L'incendie du parc auto Chevrolet en 71. C'était vous? Hein? Non. Non, ça c'était le groupe Piéton en colère. Hein? Nous savions que c'était vous. Ce qui nous manque, ce sont les preuves. Et le plasticage de l'appartement du secrétaire d'État? Hein? Bon, ben, puisque vous insistez, je vais vous le dire. Le mec était barbu, cheveux longs, plutôt gris. Son nom? Marx. Karl Marx. Vous êtes passé en Italie et vous êtes devenu un tueur habile et discret. Une des premières gâchettes du groupe terroriste Prima Cosa. Exact. Et merde, t'en as rien. Laissez-moi signer ce fils de pute, Scatti. Laisse, on parle. Laisse-moi faire dans l'effort. Vous êtes quoi, vous? Hein? Brigade de la mort? Les truands flingués, c'est vous? Mais tu te planteras, flic. Comme nous. Et pour les mêmes raisons. La paresse. Pour vous, flinguer, ça va plus vite qu'un interrogatoire. Et pour nous, flinguer, ça allait plus vite qu'une distribution de tracts. Tout est là. Allez vite. Et puis un matin, on comprend plus rien au monde. Vous finirez aussi isolé que nosotros. Dommage que vous soyez trompé de camp, Stadler. Votre intelligence a été pervertie. Le cerveau d'un intellectuel pue. C'est dur de finir comme ça sans la télé pour immortaliser tes dernières conneries. Je t'emmerde, Tira. Donc voilà pour cette scène. Si on peut rajouter quelques petites choses dans le roman concernant Stadler, on voit que c'est quelqu'un, bon, même si on l'entend dans le, comment dire, dans l'extrait, c'est quelqu'un de pugnace, notamment le fait que, alors qu'on lui a tiré une balle dans le genou, il essaye de se relever 20 fois. Ensuite, on a d'autres crimes qui peuvent être, lui être attribué, voilà, le fait qu'il ait tué un député entre guillemets bourgeois, le fait qu'il ait mis le feu au parc auto en face d'une usine, qu'il a tabassé un gardien qui avait blessé un arabe, et voilà ce qu'on a entendu. Donc c'est pas prima causa mais prima linea, donc le fait qu'il soit une des gâchettes de ce mouvement en Italie, et qui est un mouvement donc armé qui a exercé en Italie entre 76 et 81 et qui a été le deuxième groupe plus important après les Brigades Rouges. Donc voilà pour ce passage. Ensuite, on revient au bureau avec Lutz, Perret et Grindel en train d'éplucher les dossiers. Ils regardent en effet les derniers méfaits pour savoir s'il y a un lien avec leur affaire. Et Lutz essaye de dissimuler le dossier Stadler qui, selon lui, n'est pas important pour côtoyer un tueur repenti. Et il se fait reprendre par Grindel pour ses commentaires déplacés. Le roman nous permet aussi de prolonger quelques petites choses sur Stadler, le fait donc qu'il a 36 ans, qu'il est veilleur de nuit à Gennevilliers, qu'il est retiré depuis 2 ans de ses activités. Et donc, pour Grindel, il arrive à la déduction que dans la ville, il y a un groupe de justiciers qui se débarrassent, en effet, de ceux qu'il considère comme des parasites. Et dans le roman, il cite Eisenstein et le cuirassé Potemkin, par exemple, donc vraiment une culture. Et le but de Lutz, c'est de dévier au maximum Grindel de cette conclusion, notamment en impliquant le fait qu'il y aurait peut-être un règlement de compte dans le milieu. Mais Grindel n'est pas convaincu, on est toujours dans le roman, il pense que le groupe veut brouiller les pistes en multipliant le profil des victimes, ainsi que le mode d'exécution pour faire croire à plusieurs initiatives sans aucun lien entre elles. Donc c'est ce qu'on voit depuis le début du film, en effet, chaque victime n'est pas tuée avec la même arme, même type, le même mode, et finalement, Grindel est très proche de la vérité. Dans le film, il y a la même chose. Il y a l'idée qu'on avance avec la piste du règlement de compte dans le milieu, dans la politique. Voilà. Et Grindel va dire à Lutz, voilà, demain, l'ordre sera partout, dans la rue, dans les usines, dans les lits. Et Perret avance l'idée que finalement, ce groupe de justiciers a un mode d'action semblable à celui de l'AAA, l'Alianza Anticomuniste Argentina, qui correspond en fait aux escadrons de la mort. Et pour avoir plus d'infos, plus d'éclaircissements, Grindel, donc Delon, pense qu'il va avoir besoin d'un de ses indiques, qui s'appelle donc le Stéphanois, et on voit à la fin de la scène Delon, l'acteur, qui se réserve entre guillemets Reggiani. On s'attend à voir une grande rencontre, un grand moment de cinéma. Est-ce qu'il aura lieu? On va le savoir tout de suite. On a donc cette rencontre avec le Stéphanois, joué par Serge Reggiani, qui tient donc un manège. À rappeler que Serge Reggiani, dans les années 80, il n'a pas une carrière cinématographique ou une filmographie très développée. Il a fait L'empreinte des géants de Robert Enrico en 80. Et il a fait, juste avant, Ne réveillez pas un flic qui dort, 2 ans auparavant, L'apiculteur. Donc ça, c'est le film de Théo Angelopoulos. Un petit rôle, ou encore Mauvais sang de Léos Carax. Mais voilà, il est assez rare au cinéma, et finalement, c'est ce qu'on voit, l'idée que Delon ait réussi à l'amener dans ce film. On sent qu'il jubile. Et donc, on sent une volonté d'insérer des dialogues un peu nostalgiques, un peu à l'ancienne. Et c'est d'ailleurs un des passages écrits spécialement pour le film, puisqu'en effet, cette interaction entre Grindel et le Stéphanois est complètement absente du roman. Le Stéphanois, on va voir qu'il apparaît bien dans le roman, mais sans interaction aucune avec Grindel. Et donc, on a la réunion, en effet, de deux acteurs qui s'étaient déjà partagé l'affiche, ou du moins des scènes dans Les Aventuriers de Robert Enrico, ou encore, à la limite, ils s'étaient déjà croisés dans Le Guépard de Visconti. Donc c'est tout à son honneur, ou à l'honneur de Delon ou de l'équipe, de vouloir tirer le film par le haut, même si la scène au niveau du ton semble un peu tomber comme un cheveu dans la soupe. Et finalement, elle fait quand même du bien par rapport à ce qu'on a vu avant, et qui n'était pas forcément d'un niveau mirobolant, même si sur certains points, il y a une volonté de bien faire. Cependant, en effet, c'est ce qu'on verra, cette scène va être complètement, et c'est le cas de le dire, flinguée par sa fin. Et il faudra revenir donc au roman pour ça. Par contre, je vous passe tout de suite cet extrait, cette scène, pour voir un petit peu l'idée ou la saveur des dialogues qu'on voulait y insérer. Alors, il tourne toujours rond ton manège? C'est pas comme le mi-temps. Il change le mi-temps. Les hommes d'alors sont tous canés ou à la retraite comme moi. C'est pas un changement, c'est la révolution. Les têtes tombent. T'as forcément ton idée sur les petits Robespierre. Avant, les forces en présence, on les connaissait. C'était des maisons prospères, des espèces d'industriels avec avocats, conseillers fiscaux, cabinets de syndics, et tout le tout-team, en tout cas, pas le genre à déballer de la tripaille sur le macadam pour rien. Les mecs de l'époque avaient la manie de la légalité et de l'honorabilité, et en plus ce qu'on appelle la mentalité. Et maintenant, il n'y a plus rien. Il y a une paye qu'on se connaît. Je t'ai vu débuter, monsieur le démissionnaire. Parlons d'autre chose, tu veux? Bon, bah, quand je t'ai balancé un nom, c'est que l'homme était nuisible. Là, si je savais, je t'affranchirais. Mais t'as comme une hésitation, là. C'est que dans tout ce qui se maquille, je retapisse pas la paluche du milieu. Ça veut dire? Ça vient d'ailleurs. Et t'as pas une idée sur cet ailleurs? Oh là, c'est pas le vide que je crains, c'est trop plein. Laisse-moi 8 jours et je t'en dirai plus. Mais peut-être qu'il aura son idée. Qui? Manfredo, les cheveux gris. Tu le vois là-bas? C'est sûrement pour toi qu'il est là. J'aime bien grouper mes rendez-vous. Donc on voit un petit peu l'installation de ce personnage, l'idée d'un homme du passé qui, pour qui le temps a changé. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au tout début de la scène où en arrière-plan, on a des skins en figuration. Quelqu'un qui se plaint ou qui constate tout simplement le changement de mentalité, que ce soit dans le milieu, que ce soit dans le banditisme, dans la criminalité. Mais pour lui, donc justement, Stadler et les exécutions, c'est ce qu'on a entendu, ça ne vient pas du milieu, il lui faut donc un peu de temps pour trouver, réunir les informations et donner une piste. Donc, comme je l'ai dit, c'est une scène qui est absente du roman et elle se conclut par un moment vraiment, on va dire, porte-nawak, où en effet on voit, une fois que Grindel-Delon est parti, Spiro, donc Stéphane Joubert, et Lutz, vis-à-vis de Luc, qui sort une arbalète et qui se trouve devant le manège du Stéphanois, où le Stéphanois justement est sur un des chevaux de bois en train de s'amuser, entre guillemets. Il se fait tirer dessus par Lutz, et finalement c'est là où on va être vraiment dérangé par cette scène, qui avait pourtant à peu près bien commencé. Alors il y a peut-être déjà le côté un peu dérangeant du fond vert qui défile derrière Reggiani, qui fait semblant d'être sur le cheval et que le manège tourne. Et il y a aussi, ce qui est surtout la suite qui va être importante, c'est que il se fait tirer dessus le carreau de l'arbalète, et avant de mourir, donc il tombe, le Stéphanois, donc Reggiani, il sort son pistolet et tire en total random sur les gens, sur les gamins autour. Et c'est vraiment désastreux parce que ça donne une image du Stéphanois complètement débile, complètement désagréable, complètement... il y aurait plusieurs qualificatifs pour y arriver. Alors qu'au contraire, Delon nous avait laissé présager que c'était le bon vieux petit indique à l'ancienne, etc. Donc à la limite, c'était un des moments sauvables du film pour le début, et ça part complètement à l'eau. Et finalement, cette fin de scène, on la regarde pour des mauvaises raisons. Et encore une fois, ça aurait pu, cette scène-là, elle aurait pu être traitée peut-être autrement. C'est-à-dire que à la limite, ça aurait pu être une bavure de Lutz qui loupe une première fois peut-être le Stéphanois, qui en effet, bah voilà, tu vas tuer un enfant, puisque là, comme canicule, on a vu que ça, voilà, déjà pour un, c'était ça laissait un traumatisme. Là, on voit qu'il y en a un ou deux qui sont tués, voilà, et puis il y a une bavure et éventuellement on tue le Stéphanois après. Il y avait ce côté-là, mais là, vraiment l'image où il tire vraiment, enfin, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il tire dans tous les sens, alors un petit peu pour soit alerter, mais bon, non, alerter, il tire en l'air en ce cas-là. Et vraiment, donc c'est une scène qui laisse un sentiment vraiment de n'importe quoi, voilà. Alors pour ce qui est du Stéphanois dans le roman, donc on enlève tout le côté interaction avec Grindel qui n'existe pas. Alors il nous est présenté comme s'appelant donc André Aldebert, alias donc Dédé le Stéphanois. Il a 68 ans, propriétaire de 2 restaurants, de plusieurs voitures et maîtresses, d'un vignoble en Bourgogne et de 3 millions lourds, ce qui correspond à peu près à, on va dire, 500 000 euros. Il a donc passé déjà 10 ans en prison. À sa sortie, il a profité de l'argent donc du CAS, du Crédit du Nord, qu'il a fait en 1957, soit 25 ans auparavant. Il est fils d'une prostituée et d'un proxénète qui a été lessivé par le gang Carbone Spirito. Et il a donc une enfance qu'il passe en maison de correction. Il bénéficie d'une grande sympathie auprès des flics et auprès des bandits de haute volée qu'il reçoit dans ses restaurants. Ensuite, avant de se faire tuer, il se balade donc dans le parc des Buttes-Chaumont. et se rappelle le bon temps où il draguait lorsqu'il sent l'odeur des gaufres. Et ça lui rappelle donc notamment ses jeunes années, notamment en 1937, lors de l'exposition universelle à Paris, et où il draguait une certaine Arlette avec l'odeur de la barbe à papa. C'était les années sans pognon, sans avenir. Et finalement, il réagit quand il va demander une gaufre et le jeune vendeur va lui, alors qu'il est perdu dans ses pensées, va lui dire voilà ici la gaufre pépé. Voilà, donc il se fait au départ, il prend ça bon pas forcément à la rigolade, mais gentiment, parce que voilà, il va dire bah voilà, je pensais à l'ancien temps, mais en gros le vendeur n'a pas grand chose à faire, donc il insulte le vendeur. Voilà, je vais il part et finalement ça lui a cloué l'estomac. Il a eu un petit peu les yeux plus gros que le ventre et il donne sa gaufre à un petit enfant arabe ainsi que 100 francs, voilà, 15 euros, par la même occasion. Et après cette scène, il voit donc deux types qu'il reconnaît comme étant des flics fanatiques et vachards, dont un, ça sera Lutz, va lui tirer dessus. Alors, donc pas d'arbalète, hein, c'est un pistolet. Et il est accompagné par Spiro comme dans le film. Et le Stéphanois donc tombe dans le lac, ce qui va amener un attroupement autour de lui. Donc là, on voit que l'attention qui va être reprochée à Lutz d'avoir justement attiré trop de monde à cause du fait que le Stéphanois a attiré n'importe comment, bah là, on voit que c'est quelque chose de certes plus classique, mais plus logique. Voilà, un mort qui tombe et qui, justement, dans l'eau et qui attire du monde. Donc on voit que dans le roman, il y avait quand même une base logique, une base classique, une base qui pouvait très bien être filmée. Surtout que une des bonnes idées d'avoir fait ce dialogue entre Delon et Reggiani, après certains diront que ça sera pas forcément transcendant, mais c'est plutôt pas mal par rapport au niveau du film, bah, malheureusement, c'est gâché par cette fin du Stéphanois qui est complètement imbécile. Donc on passe à la suite. Une fois que Stéphano est mort, les conséquences sur Grindel et Perret et sur Lutz. Donc tout d'abord, on va parler de Lutz. Après la mort du Stéphanois, donc et de son carton dans la population qui était présente, Lutz conduit en trombe et va voir Scatty. Et je vais vous passer le dialogue. Et donc il se fait durement réprimander par Scatty du fait du massacre. Pour le reste, pour éviter de la paraphrase, je vous passe tout de suite le dialogue. Je ne veux rien dire devant Spiro et la Cueva, mais enfin, Lutz, qu'est-ce que serait que c'est de ça le prix ? De quoi parlez-vous, monsieur le principal ? Votre numéro de jeune con, ça suffit, Lutz ! Je parlais de la boucherie des buts de chaumeau ! Vous savez mieux que personne que je suis un tueur d'exception, monsieur le principal. Abattre un individu avec le plus grand naturel, c'est infaillible. C'est votre théorie et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas manqué ma cible et pour le reste, bavure. Bavure. Infernal. Même mort, il tire encore. Plus d'initiatives de cette sorte, hein, Lutz. Retournez avec Grindel, ne le lâchez plus. Et attendez les ordres. Ce sera ma seule mesure de clémence, Lutz. Et je vous déconseille d'essayer de le vérifier. Alors, ce qu'on peut rajouter par rapport à cette scène, c'est qu'il y a un passage équivalent dans le roman et qui intervient après l'assassinat d'un secrétaire général qu'on suppose être celui du Parti communiste. Alors, ça, c'est dans le roman, ce n'est pas présent dans le film. Et donc, qui a lieu après la mort du Stéphanois, dans la nuit, vers 3h du matin. Et on le verra aussi que cette scène, même si elle n'est pas présente dans le film, il y a quelques éléments qui ont été récupérés, notamment le fait que les tueurs se trouvent dans un camion bâché et à un moment donné font tomber la bâche. Et ça interviendra plus tard dans le film. Là, donc, pour ce qui est de la scène du meurtre dans le roman du secrétaire général du ce qu'on suppose le Parti communiste, il y a donc Scatty et Spiro dans les voitures et Lutz l'a tué Eva, pour ce qu'on connaît, dans le camion, accompagné d'un moniteur de tir qui sera celui qui va tirer sur le secrétaire général et son garde du corps, un inspecteur qui a été révoqué et un commissaire principal qui s'appelle donc Erlanger ou Erlanger, donc qui se trouve à l'arrière. Et pour finir avec ça, donc on a cette scène qui a été coupée finalement. Donc on voit qu'il y a un travail d'adaptation où il y a un gros travail de récupération de différentes scènes qui ont été abandonnées pour ne pas perdre des éléments qui pourraient être intéressants. Il faut dire aussi que dans le roman, quand Lutz se fait rabrouer par Scatti, il menace en effet de l'enlever d'une opération principale qui va avoir lieu dans le roman et pas, comment dirais-je, pas dans le film, alors que Lutz a été le principal instigateur et organisateur de cette organisation. Donc il y a aussi ce côté-là où il n'y a pas forcément un rapport de force, mais le côté plus dévoué que le maître à la cause. Et on a un peu ce côté-là avec Lutz, et c'est ce qui un peu coince avec Scatti, c'est le fait qu'il a peur de se laisser dépasser, entre guillemets, par l'élève. Donc voilà pour cela. Mais par contre, là, on revient à la suite, où justement, on revient sur les lieux du massacre du Stéphanois, où Lutz arrive en courant pour rejoindre Grindel et Perret. Grindel engueule donc Lutz de son retard. Sur les lieux du massacre, les camions partent, notamment les camions du SAMU. Perret est là, ils montent donc à trois dans la camionnette qui transporte le cadavre du Stéphanois. Grindel donc fait mine de se dessaisir de l'affaire. Lutz l'approuve, lui dit que c'est tout à son honneur de reconnaître ses erreurs. Mais Grindel sait qu'il n'y avait que trois, lui, Perret et Lutz, qui étaient au courant de son rendez-vous avec le Stéphanois, et profite d'un départ furtif de Lutz pour dire à Perret de ne plus dire un seul mot d'important devant Lutz. Dans le roman, pour Grindel, le meurtre du Stéphanois, c'est un leurre qui est là pour faire croire à un règlement de compte dans le milieu. Et donc, c'est-à-dire qu'après avoir fait un gros coup avec le meurtre de Stadler, l'impression de se rabattre sur le Stéphanois, qui est une cible de moindre importance, fait encore une fois l'idée qu'on n'a pas affaire à quelque chose d'organisé et plutôt à des règlements de compte éclatés pour permettre de noyer le poisson, on va dire, sur l'organisation à l'origine des exécutions. Donc le seul crime du Stéphanois, c'était d'avoir, entre guillemets, nargué gentiment la police, justement après avoir commis le hold-up, après avoir purgé 10 ans de prison, le fait de vivre grassement des fruits de son crime, ça semblait mal vu par fidélité de la police. Donc un peu avec la morale, ici le crime ne paie pas. Je passe tout de suite à la scène suivante, puisqu'elle est très courte, on revient donc au commissariat. Après le massacre du Stéphanois et donc plusieurs familles en deuil, on a donc l'apparition du personnage très furtif joué par Laurent Gamelon, qu'on connaît aussi pour d'éternel second rôle et puis des rôles principaux aussi à la télévision, qui est avec son enfant, son bébé, et qui demande à Grindel de faire justice très vite puisque sa femme, Maryse, donc qui s'appelle comme ça, a été blessée lors des tirs effectués par le Stéphanois. Et donc il dit à Delon en effet d'agir vite, de faire justice rapidement. Et donc ici, ouais, faites-le, mais faites-le vite. Donc arrêtez les commanditaires assez rapidement. À noter que c'est une scène qui est absente du roman, qui a donc été ajoutée pour montrer donc Delon en justicier, un petit peu incorruptible, infaillible, représentant de la vraie justice, la justice du peuple, le bon flic, juste et droit. Ensuite, dans une salle de réunion, avec, on suppose, les hauts gradés de la police, et notamment Grindel et le directeur Casalière, on écoute un communiqué radio de fidélité de la police, dont je vous lis tout de suite la teneur. Fidélité de la police, à tous les policiers de France. C'est un grand jour, compagnons. La grande croisade a commencé. Fidélité de la police accomplira son devoir sans faillir. Tous ceux qui, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, tenteront d'entraîner le pays vers la dégénérescence et l'abandon des valeurs qui ont fait la France, tous ceux enfin qui rêvent d'installer ici un collectivisme apatride, tous ceux-là seront confinés à leur véritable place. Hôpitaux psychiatriques tant qu'ils existent, prisons et cimetières, qu'on se le dise. Un pan, ce con. Dites que ce document a été préenregistré. Absolument, monsieur le divisionnaire. À preuve, il est déjà passé à deux reprises sur nos fréquences. Donc je précise très rapidement que dans le roman, ce message intervient après la mort du secrétaire général de ce qu'on suppose être le Parti communiste. Qu'à la suite de ce message, dans le film, Grindel a une sorte de réunion secrète pour éviter les micros avec le directeur Casalière dans les toilettes, qui considère ce lieu comme une sorte de confessionnal. Dans Cross, c'était plutôt la machine à café. Et ça permet une nouvelle fois de placer le running gag sur le policier fan de merguez. Bon, bref. Et le résultat de cette réunion, on va dire, secrète, est qu'au départ, Grindel doit mettre au courant tout le monde de son enquête. Mais ça préviendrait, par le fait, fidélité de la police. Donc, Grindel fait part de son opposition et lui demande juste de lui laisser 12 heures d'avance à chaque fois, c'est-à-dire qu'il fait son rapport et au moins lui, de son côté, ça lui laisse donc, comme il dit, 12 heures d'avance. Dans le roman, on apprend qu'un autre communiqué, avec une liste de 18 noms, dont les précédentes victimes, s'apprête à être publié, mais il est retardé par le ministère de l'Intérieur. Donc, dedans, on a aussi, par exemple, un chanteur qui est retrouvé mort dans des sanisettes, et donc il devait certainement, pour fidélité de la police, représenter une sorte d'art, on va dire, dégénéré. Et c'est là, donc c'est dans ce passage, qu'il y a la tirade qui sera gardée pour la scène finale. J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur vider mon pétard dans les couilles. Voilà, donc ça c'est la grande tirade finale, enfin une des grandes tirades finales. Là, elle est au milieu, on va dire, du roman. Elle est gardée pour la fin, pour le film. Puis, donc toujours dans le roman, Grindel et Perret sont envoyés sur une collision entre une BMW d'un journaliste ultra-lifté, hein, de la télé et Autain, et la Peugeot 204 d'une famille modeste. Et les deux donc vont rabaisser le journaliste, qu'ils menacent d'arrêter pour refus d'obtempérer. Et c'est ce qui permet de reclasser, encore au passage dans ce roman, quelques références littéraires. Il y a aussi donc le passage de l'engueulade entre Scatti et Lutz qui intervenait juste après la mort du Stéphano dans le film. Et là, donc, Scatti reproche à Lutz d'avoir mis un autocollant souriait pif sur l'arme ayant servi à tuer le secrétaire général du Parti communiste. Pif, pour rappel, c'était un journal financé par le Parti communiste français. Donc, Scatti, en réfléchissant, c'est que Lutz est un élément zélé et central de l'opération qui va s'appeler Vent du Printemps et qu'il ne peut se passer de lui. Donc, comme dans le film, comme c'était à peu près dit dans les mêmes dialogues qui sont passés, voilà, il revient sur sa décision de l'écarter, mais le prévient néanmoins que ce sera sa seule mesure de clémence. Donc, ça, c'est à peu près ce qu'on a entendu dans le film. Donc, par le biais d'un dialogue aussi entre Grindel et Perret, on en sait plus sur Lutz, qui collait des autocollants pour Jean-Marie Le Pen quand il était à Saint-Cyr et qui s'était battu avec un élément comique de Saint-Cyr qui rajoutait sur les autocollants IS, donc se faisait voter le pénis. Voilà. Et on sait aussi donc que Lutz était le seul tireur d'élite de la promotion, qu'il était ceinture noire de karaté, qu'il était un juriste médiocre et qu'il avait une intelligence en dessous de la moyenne et qu'il a été, on va dire, gentiment écarté ou envoyé dans une mutation ici pour le virer de Saint-Cyr. Et enfin, cette opération Vent du Printemps, par la suite, on saura qu'elle consiste à faire sortir 3 députés de la majorité d'une fourgonnette, qu'ils sont menottés et aveuglés par des bandes de scotch en plein boulevard Saint-Germain à Paris, et qu'ils sont exécutés devant la foule. Donc ça, ce n'est pas dans le film. On suppose qu'il y a eu quand même un lot assez important déjà de morts, et que ça n'aurait fait que rajouter de la violence à un film qui en comporte déjà beaucoup. Pour la scène suivante, donc là on revient dans le film, on voit qu'il y a un coup de bluff fait par Grindel avec l'aide de Perret dans son bureau. Donc ils font venir Lutz, Perret reconnaît son pas de loi, voilà, c'est ce qu'il identifie, et ça donne lieu donc à un dialogue qui va mener à la mort de Lutz, qui préférera se défenestrer plutôt que de se faire arrêter et éventuellement torturer pour qu'il balance des noms de fidélité de la police. Donc voici ce dialogue. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lèves les mains ou tu fais en sorte que ça se passe bien? Les patrons? Et puis le patron, t'es saqué de la police. Derrière, c'est les assises. Ça va être dur, Lutz. Très dur. La vie d'un flic en tôle, c'est l'enfer. T'as été balancé, Lutz. Qui? Hey, la maison est plus très sûre, tu le sais mieux que personne. Pour la donneuse, désolé, il y a encore quelques noms à cracher. Il a balancé que moi. Peut-être même que vous l'avez torturé aussi. Tu sais que t'es irrésistible en défenseur des droits de l'homme. T'as quand même pas oublié les couilles de Bessonnier arrachées à la tenaille. C'était des caresses. On vous a dit que c'était moi? Pas vraiment, Lutz. Mais tu viens de me le confirmer. Bon. Tu connais la musique, hein? On va pas te promettre des merveilles. N'empêche que si tu t'allonges, on peut t'avoir une cellule pour toi tout seul, on peut t'éviter la promenade. Et t'espères que je vais me coucher? Va te faire foutre, enculé d'infirme. Dis, tu te calmes, je te casse les dents. Ah! Oui. Va te faire foutre toi aussi! Tu sais, les autres arrivent dans sa baignoire, dès qu'il l'a dit. Mais je savais qu'on le flinguerait! Mort aux otaries! Passez-moi le directeur. Venez me chercher, bande de lopes. Donc dans le roman, il n'y a pas grand-chose en plus, c'est une scène quasi similaire. Il y a juste le fait que Lutz rajoute entre-temps quelques menaces et insultes envers Grindel, et le fait aussi qu'il le prévient qu'il est sur la liste de fidélité de la police. Voilà. Donc on passe à la suite, ce qui va correspondre en fait à 3 jours après cet événement, ici la mort de Lutz. À savoir que 3 jours après cet événement, il y a en plein centre de l'hôtel de police une couronne de fleurs où est marqué justement « Commando Lutz » qui commémore sa mort. Grindel demande donc de faire virer tout ça. Perret lui apprend à peu près le contexte de son enterrement, l'enterrement de Lutz, qui a été enterré seul comme un chien, pas de collègues, pas d'amis, juste sa famille. Pour ce qui est du roman, il n'y a pas donc cette couronne en plein centre du commissariat. Il y a en effet, pour l'enterrement, donc comme prévu, 10 couronnes de roses rouges, presque noires, c'est ce qui est marqué dans le roman, qui sont commandées chez 10 fleuristes différents, payées en liquide par 10 personnes différentes, toutes avec la couronne en velours noir, avec marqué en lettres d'or « Fidélité de la police ». Donc dans le roman, on dit que « Fidélité de la police », pensait ses plaies en silence. Donc il n'y a pas de démonstration ou de communiqué vengeur. Il y a encore moins de couronne en plein centre de l'hôtel de police. On voit aussi que tout le monde crachait sur Lutz et rappeler ses mauvais penchants. Les slogans racistes qu'il criait dans le cafétéria, ses opinions d'extrême droite, son fanatisme, les mauvais traitements qu'il infligeait aux suspects. Et entre-temps, on apprend aussi qu'il y a eu 2 nouvelles victimes lors de l'enterrement des 3 députés de la majorité lors de l'opération tuée lors de l'opération Vendu Printemps. Donc voilà, il y a quand même encore des agissements en dehors de fidélité de la police. Ensuite, si on revient dans le film, Grindel apprend à Perret qu'il est promu commissaire principal. Dans le roman aussi, Perret fait part du fait que si Lutz s'est défenestré, c'est qu'il devait avoir quelque chose d'important à cacher et qu'il avait peur d'être torturé pour qu'on l'apprenne. Et oui, que c'est pas normal puisque Lutz, en théorie, devait être convaincu de la victoire finale, de fidélité de la police. Et si on va même plus loin, c'est aussi bien présent dans le livre que dans le roman, Perret révèle à Grindel qu'il y a des étrangetés dans le dossier de Lutz et on peut aboutir au fait qu'il aurait été recruté par fidélité de la police avant même d'entrer dans la police. Perret dit aussi qu'il y a une tension puisque les renseignements qu'il aurait dû avoir en 2 heures, il a dû mettre 2 jours à les avoir. Pareil, dans le roman, si on pousse un peu plus loin, ce passage sur Lutz vient après ce qu'on verra, c'est-à-dire l'indécision de Ginsbaum qui va être donc un des policiers qui a infiltré fidélité de la police et qui veut donner des informations qu'il a à Grindel. Donc voilà, il y a une petite inversion dans le roman. Ce passage vient un peu plus loin. Donc Grindel dit que Lutz n'a suivi en effet aucune formation traditionnelle. Il a peu tourné de commissariat en commissariat, alors que c'est l'usage pour un stagiaire. On voit donc qu'il est passé de la brigade territoriale à la brigade d'intervention, puis à la brigade de protection des mineurs et à la brigade des stupes. Mais ce sont des séjours assez courts qui ne correspondent à rien d'existant. On dirait que c'est juste mis pour dire qu'il a tourné. Mais après, c'est un peu plus compliqué, on pense que c'est faux. Enfin, à la cafétéria, Scatti est là, donc c'est le deuxième moment où Delon et Serrault se croisent, mais quasiment pour rien. Et voilà, on voit qu'il y a eu des menaces de mort qui arrivent par lettre anonyme sur la personne de Grindel et sur la personne de Perret. Donc avec dans le roman, on a un peu plus de contenu de ce message. Grindel pose d'urgence tes dates de vacances. Idem pour ton assistant Perret s'il tient à sa femme et à son gosse. Et donc, après avoir déduit que Scatti était le protecteur de Lutz, Ginsbaum frappe à la porte, alors que dans le film, nous allons seulement commencer à faire connaissance avec Ginsbaum. On se retrouve à la cafétéria où des policiers peu lambda, donc ce qui s'avéra être Ginsbaum et son collègue, mais qu'on verra vraiment très vite, faut pas cligner de l'œil, Olivier Marchal, donc suivent Delon et Catalifo, Grindel et Perret, donc ils le repèrent et qu'ils l'attendent. Et il se fait entre guillemets maîtriser gentiment et on s'aperçoit qu'il s'appelle donc Edouard Ginsbaum. Et il dit donc avoir fait de l'entrisme dans Finité de la police et qu'il a été recruté par La Tueva, donc Farsi. Il vient car il dit que ces gens-là sont de la même espèce que ceux qui ont déporté ses parents durant l'occupation. Puis donc il se donne rendez-vous 10 minutes plus tard dans le bureau du directeur pour tout révéler. Donc dans le roman, Gitzbaum a 30 ans, il est gardien de la paix depuis 3 ans et demi, il a été formé par la Tueva qu'il avait l'habitude de voir pester contre le laxisme de la justice. Et Gitzbaum fut surpris de sa réaction après la mort de Luscantini, le roi du jeu, qu'il trouvait une réaction qu'il trouvait modérée. Alors d'habitude, la Tueva un peu ruée dans les brancards. Et voulant voir ce qui se cachait derrière cette attitude, il lui dit qu'il aurait aimé faire le boulot piqué par fidélité de la police. Et puis donc, la Tueva, qui était d'abord méfiant, a chargé Gitzbaum de faire circuler un communiqué de FP. Et ensuite donc de filer un des trois députés pendant quelques jours, un des trois députés qui sera tué pendant l'opération Vent du Printemps. Gitzbaum en est arrivé à la conclusion que fidélité de la police avait une organisation hiérarchique, mais que cette dernière était cloisonnée, et que donc son seul interlocuteur sera toujours la Tueva, et qu'il n'aura jamais connaissance du poste de commandement suprême, parce que pour lui, simple pion, il n'y aura aucun avancement de prévu. Donc après une demi-heure de réflexion, Gitzbaum est allé voir donc Grindel pour savoir s'il balançait tout ou pas. Et c'est ce qui arrive dans le roman, et dans le film aussi, il va balancer la Tueva. Il va dire donc que l'instance suprême de fidélité de la police semble être donc ce fameux poste de commandement qui adresse les félicitations, les encouragements, ce poste aussi qui décide des interventions effectuées. Alors Gitzbaum ne sait pas de combien de membres il est composé et comment il fonctionne. Il émet quelques hypothèses, certainement il y a très peu de relais de type la Tueva. En effet, plus on descend dans la hiérarchie, moins les responsabilités sont grandes. Par exemple, Gitzbaum s'est vu interdire de recruter d'autres membres. Il faut aussi donc se montrer réservé sur les actions de fidélité de la police en public. Il ne faut pas faire de prosélytisme. C'est un petit peu aussi ce qui... Enfin voilà, vraiment montrer l'idée qu'on voilà, qu'on n'en fait pas partie. Et en cas de désobéissance, la mort est au rendez-vous. Et dans le roman, il y a le cas de plusieurs policiers qui ont trouvé la mort, notamment le commissaire Sagère, donc, qui a été exécuté par fidélité de la police. On a mis ça sur le compte d'un truand, mais en fait, Sagère avait trop parlé de fidélité de la police dans un restaurant. Il y a aussi un certain inspecteur Leroy qui avait tenté de recruter des membres de son propre service. Sa mort a été maquillée en suicide. Il y a un autre ici, brigadier Carrel, qui s'est tué en automobile avec sa famille sur la 6. Pareil, c'est dû à fidélité de la police. Et enfin, notre gardien Ibar Negaré, qui ne s'est pas tué en réparant une prise électrique, mais qui a bien été tué également. Donc tous les membres de fidélité de la police se présentent comme étant des participants à une croisade, et ces participants, donc ces croisés, pouvaient espérer donc des promotions rapides, de l'ordre à peu près de 10 ans de carrière avec les sauts d'échelon qui correspondaient, ainsi qu'une place centrale dans le nouvel état et la satisfaction de vivre dans un pays entre guillemets propre. Et donc aussi le fait que fidélité de la police ne marche avec aucun parti politique qui, selon la haute direction, ces partis politiques ne sont qu'un ramassis de merdeux et de feignants. Fin de citation. Donc le but final de fidélité de la police, c'est que le désordre crée donc une réaction populaire positive et donc une prise de pouvoir beaucoup plus facile. En effet, les voleurs, les cambrioleurs, les jeunes délinquants et les délinquants primaires seraient exécutés sur les lieux de leurs méfaits. Et c'est quelque chose que finalement qu'on retrouve aujourd'hui, l'opposition entre les concepts de sécurité et de liberté. Voilà, combien pour être en sécurité vous seriez prêt à donner de votre liberté. Et dans le roman, donc ce n'est pas 10 minutes, c'est 20 minutes aussi. Donc Gitzbaum propose d'aller vous raconter ça au directeur 20 minutes après, et ensuite il a une sorte de plan B, c'est-à-dire que voilà, une fois qu'il aura tout balancé, il ira donc, on suppose, en Israël pour aller se cacher. Avant ce temps-là, ici, il faut aller chercher la Tueva dans son bureau pour une confrontation immédiate. Ça, c'est la scène suivante. Grindel et ses hommes investissent donc le bureau de la Tueva, qui est, quand la porte est défoncée, qui est enroulée dans un immense drapeau bleu-blanc-rouge. Il se suicide en s'enfonçant une lame d'épée sous la mâchoire, donc c'est vraiment le côté grandiloquent du film. Voilà, on entend dans le fond des commentaires, Grindel assassin. Dans le roman, enfin, cette scène elle est présente aussi. Pour les commentaires, comment dire, il y a le côté croix gammée de la Tueva contre, entre guillemets, et ta faucille et ton marteau de Grindel, qui se fait critiquer comme étant une sorte de crypto-communiste ou de gauchiste. Et dans le roman, la scène est différente dans le sens où la Tueva, quand Grindel et ses hommes investissent son bureau, il s'est déjà tiré une balle dans la tête, donc il est déjà mort. Et à côté du corps de la Tueva se trouve un billet écrit de la main de la Tueva, et ce qu'il y est dit à peu près, c'est donc: Grindel, je me suis suicidé, mais nous continuons le combat. Parler de la prise du pouvoir inéluctable est une clause de style. Entre parenthèses, clause de style, c'est le nom du roman d'origine de Fajardi, dont est tiré le film. Donc je poursuis. Tu me rejoindras très vite. Voilà, fin. Arrivé dans le bureau du directeur 10 minutes plus tard, il n'y a aucune trace de Ginsbaum et on commence à s'en inquiéter. C'est ce qu'on voit, à savoir que Ginsbaum est retrouvé égorgé et pendu à l'envers dans les toilettes. Dans le roman, c'est l'inverse, il est pendu à l'endroit avec le pantalon au bas des chevilles et on voit qu'il s'est pissé dessus. Dans le film, il a une grenade dans la bouche avec autour de lui un écriteau marqué donc: je suis un sale cochon, un lâche et un communiste, j'ai trahi mes camarades. Et puis dans le film, on voit sur le mur aussi: je suis un lâche, écrit avec ce qu'on suppose être son propre sang. Donc dégoûté, un des policiers qui dit qu'il va partir pour les stupes car il en a vraiment marre de cette ambiance. Et en gros que voilà, les trucs politiques on n'en veut pas et les massacres politiques non plus. Et on voit Delon, voilà, un peu désespéré, etc., qui se jette un grand coup d'eau au visage devant ses collègues. Finalement, dans le roman, mais aussi, c'est ce qu'on sent dans le film, très, très légèrement, il y a un rassemblement, ce qu'on va dire, des légalistes autour de Grindel, qui se trouvent désormais moins isolés. Et donc, Fidélité de la police, en tuant Ginsbaum, a eu un effet contraire, c'est-à-dire que, plutôt que de faire peur, il a agrégé beaucoup de monde autour de Grindel. Et il y a aussi beaucoup, entre guillemets, de menus fretins de Fidélité de la police qui vont commencer à retourner leur veste et qui vont être amenés dans le bureau de Grindel après avoir été secoués par leurs collègues. Donc dans le brouhaha provoqué par la mort de la Tueva et celle de Ginsbaum, Spiro, donc Stéphane Jobert, parle en privé à Perret, donc Catalifo, pour avouer son appartenance à Fidélité de la police. Et donc il essaye de négocier avec lui. Il demande donc 12 heures pour quitter le pays en échange de la révélation de l'homme clé de Fidélité de la police. Et pour cela, donc, il lui donne une adresse pour un rendez-vous le soir même, à condition que Perret, donc justement, n'en parle pas à Grindel qui a été jugé trop rigide. Et en effet, Perret va prétexter une obligation familiale pour le soir pour ne pas le suivre dans la piste de ce qui va occuper Grindel, à savoir une pseudo-reddition qui vient de tomber et sur les lieux de laquelle il faut se rendre. Donc dans le roman, Spiro parle bien à Perret après la scène suivante, mais ce qui change, c'est simplement que Grindel sera occupé à recevoir les honneurs de la République, c'est-à-dire aller voir le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre et se voir promettre certainement une promotion assez rapide. En tant que contrôleur général, voilà. Et Perret va dans le roman se retrouver seul au soir dans le commissariat et il rêvasse un petit peu aux vacances qu'il passera en famille dans le Gers, à Euse, pour ceux qui veulent plus de détails, une fois que Fidélité de la police sera tombée. Donc là aussi, Spiro négocie l'avenir de sa situation contre le fait qu'il balance toute organisation de Fidélité de la police. Et donc c'est un petit peu le marché du siècle pour Perret, donc en effet, il fonce dedans. Ce qui est promis, donc, c'est la mise en rapport avec un des membres du poste de commandement de Fidélité de la police contre, comme dans le film, 12 heures pour quitter le pays. Ce membre, donc très influent, très important, demande lui aussi 12 heures pour remettre la liste de la totalité du poste de commandement, donc soit, selon Spiro, 15 membres, donc ce poste de commandement aurait 15 membres, plus aussi le fait de donner la liste de tous les hommes et tous les sympathisants en France métropolitaine et dans les dom-toms. Parce qu'en effet, ce contact supposé avec qui Perret va être est l'homme qui s'occupe des effectifs et du recrutement. Tout ce qui a été dit, Grindel donc a été jugé là aussi trop rigide et sectaire pour négocier. C'est donc Perret qui a été choisi. Et on voit qu'il y a une petite, pas sympathie, mais Spiro qui essaye d'amener un peu la pitié ou la sympathie ou d'établir un contact, voilà, entre guillemets amical avec Perret, puisque dans le fond, dans le roman, il y a une musique des Loving Spoonful, hein, donc Did You Ever Have to Make Up Your Mind, voilà, si vous voulez, et Spiro lui dit, en effet, c'est le groupe qui a fait aussi le tube Daydream, voilà, bref. Et Spiro a dit qu'il il a conscience, lui, d'être un minus dans l'organisation de Fidèle de la police, et que Perret, en fait, lui reproche, comme tout membre d'organisation extrémiste, qu'une fois que le navire coule, beaucoup disent, en effet, j'étais juste un simple pion de la chaîne, un simple maillon, et voilà, j'avais pas grande force de décision. Pour la suite, c'est ce qu'il est dit, l'homme du poste de commandement vous attend dans une petite maison à Mantes, dans les faubourgs vers la zone industrielle. Il y a d'abord une méfiance de Perret, puis Spiro lui dit, de toute façon, vous n'avez rien à craindre, enfin, voilà, t'as rien à craindre. Fidèle de la police est à l'agonie, tout le monde brûle tout, les papiers, les archives, les cartes d'opération, les stocks d'armes. Perret demande pourquoi Mantes comme ville particulièrement, parce que tout le monde connaît tout le monde à Paris, que le supposé contact y a une maîtresse, et qu'un avion l'attend tout près de là, une fois qu'il aura donné ce qu'il a donné. Et pareil aussi, Perret qui vraiment cherche à tout planifier, pourquoi donc justement est-ce que ce membre n'est pas déjà parti alors qu'il a l'avion à disposition. Et dans ce cas-là, c'est ce qui est dit par Spiro, c'est que eux veulent être sûrs qu'une fois qu'ils seront partis, il y aura entre guillemets zéro poursuite. Voilà, il n'y aura pas d'Interpol, pas de Barbouze, pas de service action dans des ambassades françaises à l'étranger qui les rechercheront et chercheront à les tuer. Donc on voit que c'est beaucoup plus fouillé. Donc rendez-vous est donné à 21h, Perret doit venir seul par la 13. À la moindre alerte, les listes seront détruites. Si Spiro remet les pieds en France, les accords donc de non-poursuite seront annulés. Donc dans le roman, on a beaucoup plus d'explications sur les motivations de Perret. Pourquoi dans le film, on a l'impression qu'il se jette littéralement dans la gueule du loup, qu'il est, pas dire à la limite de la débilité, mais de l'extrême naïveté. Là, on a clairement le schéma, le fait qu'il a voulu, en son âme et conscience, sécuriser au maximum les choses, donc qu'il pense être en terrain à peu près sécurisé, on va dire ça comme ça. Et c'est dommage. Donc là, clairement, dans le film, on n'a pas ça du tout, alors que dans le roman, c'était disponible. Bon, après, il y a certainement l'idée qu'il a fallu axer sur Delon, et que Catalifo passe vraiment au second plan. Et c'est dommage, parce qu'il y avait vraiment quelque chose à faire aussi de plus fouillé, prononcé, pour le rôle de Catalifo. Bon, même s'il est un peu moins caricatural que les autres rôles, il y a le fait que cette connexion, elle est là entre eux, mais finalement, comme elle n'est pas assez fouillée, ce qu'on va voir quand la mort de Catalifo arrive, on ne va pas être aussi touché qu'on aurait pu l'être, vraiment, s'il y avait eu plus de liens et aussi plus d'explications, plus de logique dans sa décision d'aller seul voir ce pseudo-commanditaire, ce pseudo-membre affluent de Fidélité de la police. Si on revient au film, on retrouve donc Grain Delon qui part avec une équipe pour une soi-disant reddition. Donc il part en voiture avec quelques flics qui étaient aperçus lors de la mort de Gitzbaum et qui étaient déterminés à arrêter les membres de Fidélité de la police. Sur la route, ils se font bloquer, puis ralentir, puis bloquer par un camion. Et donc on voit qu'il y a plusieurs tireurs dans la remorque. Ils se font tous descendre à part Delon et Cohen. Cohen, c'était le policier qui l'avait interpellé en disant « je veux partir au stup ». On voit que Delon a mal au genou, etc., mais qu'il est plus vivant que jamais. Et il va expliquer à Cohen ce qu'ils vont faire pour le rester. Bref, on a un recyclage de la scène supprimée du meurtre du secrétaire général du Parti communiste, sans forcément tireur d'élite, c'est pas le but, mais on a l'idée du camion bâché, cette fois, qui est en action et qui tire sur la voiture. Dans le roman, comme je vous l'ai dit, je vais très vite, il est invité par le ministre de l'Intérieur, et officieusement par le Premier ministre pour recevoir les félicitations, et comme je vous l'ai dit, il risque d'être promu plus jeune contrôleur général de la police, et même pour Perret, l'idée qu'il devienne commissaire divisionnaire avant 40 ans. Mais pour lui, donc, ses honneurs, c'est pas forcément qu'il les refuse, mais il les laisse de côté tant qu'il n'a pas fait tomber le noyau dur de Fidélité de la police. Et donc ce fameux poste de commandement. On retrouve donc Perret qui se rend donc à ce fameux rendez-vous indiqué par Spiro, et on se trouve tout de suite face à une scène problématique dans le film. Là, il est à peine arrivé, il doit tout de suite rendre son pistolet à l'entrée, et il est encerclé tout de suite et pris au piège. Alors, quand on voit le film sans lire le roman, c'est ce qu'on se demande, pourquoi est-ce qu'il s'y rend? Pourquoi ne pas demander de voir tout de suite le responsable avant de donner son arme? Là aussi, pourquoi est-ce qu'il s'y rend sans renfort? Là, le roman, on a une raison. S'il amène les renforts, les listes sont, les effectifs sont tout de suite détruites. Et donc dans le film, c'est ce qu'on voit, dans le roman c'est pareil, il va tomber sur une sorte de tribunal. Alors on voit ça avec des insignes qui rappellent un petit peu la milice, et quelques juges clichés. Alors on a le collabo ou le milicien de la Seconde Guerre mondiale, et Scatti se présente un petit peu comme grand juge, et on entend un des principaux reproches qu'il fait à Perret, à savoir d'être responsable ou juge responsable de la mort de Lutz et de la tuer Eva. On voit donc que le fini de la police n'en a pas fini. Ils disent voilà, nous sommes étendus sur toute la France, Paris n'est pas la province est prête à se soulever, et Scatti prend tout de suite l'arme pour exécuter Perret et pense que Grindel est mort dans l'expédition de l'après-midi. Et on apprend à cette occasion, donc dans le film, la raison de l'infirmité de Perret, donc comme quoi il a sacrifié son bras pour désamorcer ou dans l'événement où une bombe avait été posée dans une synagogue. Donc cela montre qu'il est courageux, et ça renvoie sa propre lâcheté à Scatti, qui, vexé, lui tire dessus. Et donc c'est une scène problématique. Pourquoi ? Parce que la mort entre guillemets du sidekick du héros, quand elle intervient dans un film, elle doit briser le cœur, elle doit provoquer un choc. Là, rien ne colle. Perret, à la limite, il se fait voir comme un bleu. Il n'a pas l'occasion de plaider sa cause, parce que son sort, de toute façon, il est réglé d'avance. Il n'y a aucun suspense. Il est tombé dans un piège énorme. C'est un peu ce côté-là. Scatti qui, de toute façon, dit ouais, t'attends pas à t'en sortir. Donc cela fait qu'on excuse moins ce personnage de Perret qui nous était sympathique jusqu'ici. Sa mort, elle reste dans le ton et dans le niveau bas du film, alors qu'elle aurait dû être, elle aurait pu être même un crève-cœur et une meilleure compréhension de la rage de Delon à la fin du film. Et c'est une chose que Delon va essayer d'appuyer à la scène suivante sans réellement y parvenir. Donc là aussi, on a ce côté-là où une scène clé, une scène importante, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont bancales et qui fait qu'on ne doit pas ressentir ce qu'on sentirait normalement en tant que spectateur. Si le polar avait été plus tendu, plus malin peut-être, ou justement, en rendant ces personnages plus malins. Là aussi, il aurait fallu représenter une intelligence du mal. Là, elle peut être présente par le fait qu'il y a une organisation qui est pensée par Scatti, qui s'est implantée depuis plus de 20 ans, mais finalement, les membres sont de simples caricatures, et on les a réduits à des bourrins. Donc là, en effet, il y a ce qui enlève de la tension, c'est non seulement le surjeu, ça c'est autre chose, mais le fait que justement les méchants du film sont extrêmement méchants mais pas fins. C'est un peu ce côté-là qui pose problème vraiment dans cette scène et dans le film en général. Par contre, une des rares bonnes choses de cette scène par rapport au roman, c'est que dans le film, la mort de Perret est plus digne. Première chose, il y a l'invention de son infirmité à son bras ou à sa main. Le fait aussi que, contrairement au livre, il ne pleure pas. Pour donner plus de détails, donc ça c'est le roman qui nous le fournit également, on sait un peu plus qui constitue ce tribunal de fidélité de la police, ce poste de commandement. On a donc, c'est Perret qui dit ça, de la très haute flicaille, des types pour cortège officiel, c'est-à-dire des directeurs, un contrôleur de la police, deux anciens ministres, un ancien préfet de police, deux préfets de police régionaux et un commissaire de la République. Donc ce qui saute aux yeux dans le film, c'est l'ancien milicien. Finalement, on laisse de côté les autres, on n'a pas le temps vraiment d'y jeter un œil. Et même le fait aussi que Scatti, Serrault, donc, dénote parmi eux. Perret, dans le roman, il le fait passer, c'est ce qu'on voit ici, pour un garçon de course. Donc on a des accusations sur Perret, comment être payé Moscou. L'idée que Paris n'est pas la France, que la province attend l'arme au pied, et qu'ils vont marcher sur Paris pour nettoyer cette porcherie. Et on a toujours la phrase de Scatti, la sentence donc de mort est exécutoire sur le champ. Les larmes coulent donc sur le visage de Perret, et avant de mourir, il voit ses parents, sa femme, son bébé. Scatti lui dit d'ailleurs ici, face à ses pleurs, un peu de dignité. Et ce dernier, donc Perret, lui crache au visage, ce qui n'est pas présent dans le film, en lui disant, donc justement, tonton viendra sale charogne, et vous tous ici aussi. Et avant de mourir, il voit donc le hurlant de Grindel et son visage. Jusque-là, dans la vision ou l'imagination de Perret, le hurlant n'avait pas de visage. Mais quand il le voit, le crâne est blanchâtre, il est répugnant, avec des trous béants à la place des yeux et une mâchoire édentée. Bref, c'est l'image de la mort qui lui arrive, et en effet, c'est ce qui lui arrive réellement, puisque Scatty lui tire dessus. Comme ça doit être et devait être un moment important du film, je vous passe au dialogue qui correspond à la mort de Perret. T'as eu Lutz, t'as eu la Dueva, mais Paris n'est pas la France. La province et l'Outre-mer attendent l'arme au pied. Nous allons nettoyer la porcherie et... Suffit ! Vous n'avez aucune illusion sur la sentence, je présume. Un peu de dignité. J'avais encore des choses à dire à mon fils. Il fallait le faire avant. Vous pensez toujours avec un temps de retard. C'est comme pour votre ami Gradel. Vous auriez dû l'escorter. À l'heure qu'il est, il ne peut en rester grand-chose. Vous ne manquez pas de courage autrefois. Quand vous avez désamorcé la bombe de la synagogue en sacrifiant inutilement votre bras. Charogne. Pourri Dieu. Grindel arrive donc escorté pour vérifier le corps, identifier le corps de Perret. On est à 14h du matin et on trouve justement les trois balles, trois petites otaries, la vision, la prédiction de Perret. Donc l'attentat est revendiqué par le commando Lutz, la Tueva. Cette scène nous donne l'occasion de voir très rapidement dans le rôle d'un commissaire de police local Jean-Louis Foulquier, l'ancien organisateur des Francophilies de La Rochelle et qui faisait l'acteur l'occasion et qui d'ailleurs va retrouver Delon dans la série Fabio Mental, pour un commissaire qui, ce qu'il dit à Grindel, ne pensait pas que cette racaille existait dans la police. Et à la fin, donc, c'est ce qu'on voit, Grindel qui veut qu'on traite bien le cadavre de Perret. C'est ce qui doit constituer, entre guillemets, l'énervement de Delon et sa rage dans cette scène. Mais là aussi, voilà, on sent... Il y a de la tendresse, mais... la rage est un peu trop contenue, c'est un peu le côté mutisme de Delon. Et encore une fois, on n'est pas aussi ému qu'on devrait l'être devant la mort de Catalifo. À la limite, je ne vais pas dire Delon pouvait faire ce qu'il voulait, mais tout était déjà joué dans la scène d'avant et j'ai déjà précisé les raisons. Donc on passe à ce qui va constituer en effet le climax du film. Une fois le cadavre de Perret identifié, Grindel revient en boitant au commissariat. Corinne, la secrétaire du directeur, le prévient que ce dernier l'attend dans son bureau. Et on sent qu'elle hésite à lui dire quelque chose de plus, mais elle se rétracte. On s'aperçoit, une fois que Grindel est dans le bureau du directeur, que le directeur couvre Scatty. Et c'est ce qui va amener à la révélation comme quoi il est membre de Fidélité de la police. Donc Grindel demande à confronter Scatty. Le directeur espère qu'ils n'auront pas à le regretter et on va entendre le code en effet pour que Scatty arrive avec ses acolytes dans le bureau, donc Spiro et Vallès, à savoir voilà, changez-moi, donc il dit à Corinne par l'interphone, changez-moi l'eau des fleurs, ça pue ici. On va voir ce dialogue où Grindel, en effet, il va y avoir le retournement de situation et Grindel qui va reprendre l'avantage. Donc je vous passe tout de suite le dialogue. Votre erreur, elle est très simple, Grindel. Vous n'êtes pas le seul à la commettre. Vous avez confondu la défense d'une démocratie pourrie en pleine dégénérescence avec les intérêts supérieurs de la France. Ok, ok. Alors, qui a tiré la fève ? Ah oui, qui est chargé de m'abattre ? Une seule chose. Qui a tué Perret ? J'ai le droit de savoir, c'était mon équipier. Moi. Très bien. Messieurs, vous êtes en état d'arrestation. Tous les quatre. Veuillez jeter vos armes. Tu nous arrêtes. Échangez-moi l'eau des orchidées. Ça pue ici. Toute la délicate ambiguïté du langage des fleurs. Votre secrétaire s'est épanché, monsieur le directeur. Et pour une fois, ça n'était pas avec vous. Elle a jugé plus pertinent de raconter ce qu'elle savait à l'inspection générale des services. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Les ralliements tardifs, c'est dans l'air du temps. Voilà. Tout est dit. Presque. Ce qui s'ensuit, c'est que Spiro et Vallès baissent donc leurs armes. Juste vite fait, Vallès, dans le roman, il n'existe pas. Et dans cette scène-là, il est remplacé par un commissaire divisionnaire qui se nomme Guérin. Voilà. Bon, ça, c'est très rapide. Et quand ils baissent leurs armes, Scatti veut se suicider. Voilà, c'est Delon qui lui dit que c'est trop facile. Et c'est Delon qui le fume. Voilà, en l'honneur de Perret, son petit frère, comme ça qu'il appelle comme ça. Donc, une balle avec un pistolet sur la tempe. Et voilà, ce qui vaudra une dernière réplique à Serrault. Voilà, c'est Byzance. Voilà, l'honneur d'être tué par Delon, par Grindel. Puis ensuite, donc les policiers donc loyaux débarquent dans le bureau et arrêtent les survivants. Et voilà, donc tout le monde est content, Delon a sauvé le monde. Une scène finale, pour des gens qui sont un peu fanatiques, on suppose qu'ils auraient tout donné, c'est-à-dire même tiré sur Grindel avant même de se suicider, histoire de partir en éclat, des choses comme ça, enfin avec éclat, on va dire ça comme ça. Là non, ouais, ils ont l'occasion, mais ça ne se fait pas, donc il n'y a qu'une tension finalement. Delon, on le sent très peu en danger, et finalement, pour quelque chose qui doit être le grand moment du film, la fin, y a très peu de choses qui se passent. Et c'est assez décevant, surtout la confrontation avec Serrault, qui, voilà, c'est le seul moment de tension, ils sont ensemble. Finalement, ça passe très vite. Les deux sont noyés avec les autres personnages qui sont présents aussi. Au bout du compte, la confrontation de Delon-Serrault n'a au final jamais eu lieu véritablement dans le film. Ils ont œuvré chacun de leur côté, et quand ils sont réunis à la fin, ça donne quelque chose de très plat et moyennement, très très très moyennement satisfaisant. À la suite de ça, tout le monde est content, on a la scène finale où Delon revient dormir chez lui, sa copine mannequin revient également, on apprend qu'il a démissionné, et voilà qu'ils ne sont rien l'un sans l'autre. Jennifer lui dit justement, ils t'ont fait du mal. Lui répond, moi aussi j'en ai fait. Et on a la fameuse dernière réplique. Vous n'avez pas réveillé un flic qui dort. Et le film se conclut sur un magnifique effet spécial. Un plan, donc justement, avec la carte de police de Delon qui se déchire, qui montre en effet qu'il a claqué la porte de la grande maison. Dans le roman, et c'est bien dommage qu'on ait laissé ça de côté. Dans le roman, comme il n'y a aucune référence dans le film au Hulan, cette fin, oui, ne veut pas avoir lieu, mais elle est beaucoup plus intéressante, celle du roman. En effet, à la fin du livre, on apprend que la femme de Perret s'est suicidée, elle n'a pas pu se faire à l'idée de vieillir sans lui. Toujours pareil, Grindel démissionne, et par ses relations, arrive à adopter le fils orphelin des Perret, qui s'appelle Benjamin. Et la dernière scène, c'est 4 ans plus tard, ils vont sur la tombe des parents du petit pour y déposer des fleurs. Donc on voit, c'est marqué dessus, François et Marie Perret. On a donc sur la tombe le motif d'une colline avec une sorte de hulan avec un casque à pointe qui est à cheval et qui est accompagné de 3 otaries. En effet, on a la dernière petite réplique de Grindel qui va dire en effet ça, Benjamin, en parlant de son père, c'est notre secret. On sait à quoi ça correspond, et c'est le lien entre les deux hommes. Là, ça refait, je pense, par rapport à ce qu'on connaît dans le film, une sacrée dernière image, beaucoup plus significative. Mais là, on voit que tous les moments qui auraient pu creuser l'amitié entre Grindel et Perret sont soit amoindris, soit complètement effacés. On finit sur l'image d'un Delon, vainqueur, et à l'occasion aussi séducteur de très jolies femmes. Bref, ça pose problème en effet quand en effet un acteur passe devant l'histoire est prioritaire par rapport à l'histoire. C'est à peu près la conclusion qu'on peut en tirer. Là aussi, je vais peut-être pas forcément développer un peu plus, mais tout ce que j'aurais pu faire en conclusion par rapport au déroulé du film et par rapport à ce qu'on en ressent, finalement, soit je l'ai dit en introduction, soit je l'ai dit pendant le déroulé en faisant des petites apartés pour dire ce qui fonctionnait pas ou là où il y a eu un problème dans l'adaptation ou justement dans le traitement des personnages. Donc je propose qu'on passe tout de suite à la petite rubrique des suppléments. Ah ben voilà autre chose. Je vais essayer d'obtenir la participation de Charles à ce supplément. Et pas mal de bonus qui t'attend. Vous savez, en payant un petit supplément, vous seriez couvert jusqu'à 4 millions. Et dites aussi à votre copain là, qu'aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus les belles histoires. Faut leur montrer en supplément des scènes qui feraient dégueuler les singes du Jardin des Plantes. Une rubrique supplément qui, par rapport à celle de Canicule, sera beaucoup plus courte, à savoir qu'il y aura certainement un épisode bonus à Ne réveillez pas un flic qui dort qui sera proposé sous peu, certainement, je dis bien certainement, parce que c'est encore en travail à l'heure où je parle. Ici, je vous propose un reportage sur lequel je suis tombé, qui était celui du journal télévisé d'Antenne 2, à l'époque c'était Antenne 2. Le journal était présenté par William Lémergie, qui à l'occasion a fait aussi l'interview et le reportage sur Delon, qui s'était rompu le tendon d'Achille. Et c'est un reportage finalement assez peut-être visionnaire, c'est peut-être mauvaise langue, mais on a Lémergie qui titille Delon sur le fait de savoir si ce n'est pas le film de trop, le film d'action de trop, voilà, s'il est temps d'assumer pour Delon son âge. Et c'est assez, assez cinglant la réponse, tout en étant détendu. On se rend compte quand même qu'il y a derrière encore le prestige de Delon qui doit être sauvegardé le plus possible. Donc je vous passe ce reportage qui est assez cocasse et par le fait qu'il y a un côté un peu visionnaire. Parce que finalement, Ne réveillez pas un flic qui dort sera le dernier vrai polar, hein, comme j'ai déjà dit, de Delon avec un Delon justicier. Donc tout de suite, le reportage. A comme Achille, A comme Alain, Alain Delon, l'un et l'autre ont en commun un talon fragile et la star vient d'en faire la cruelle démonstration au cours d'une scène de Ne réveillez pas un flic qui dort de José Pinheiro, l'accident. Ligament déchiré, hospitalisation, le secret avait été bien gardé. Mais nous savons tout, entré à la clinique des Maussins mardi dernier, opéré le lendemain, il est sorti hier dimanche, le producteur Delon reviendra sur le tournage pour le superviser avec bientôt les scènes où joue Michel Serrault. Quant à l'acteur Delon, eh bien dans 6 semaines, il pourra de nouveau courir. Une seule équipe de télévision était donc présente hier et dans le rôle du reporter nounou, William, lui-même. Il m'est arrivé rien, je me suis rompu le tendon d'Achille, ça tout le monde le sait. Ben non, justement. Je savais pas. Tout le monde ne le sait pas. Ben alors non. Voilà, au cours d'une scène du tournage de mon dernier film, ne réveillez pas un flic qui dort. Je veux dire que celle-là réveillait le flic, parce que le flic c'est moi, oui, évidemment. C'est vous, oui. Donc dans une scène de poursuite qui se passait dans les couloirs de la préfecture de police, j'ai couru comme un dingue, j'ai sauté 3 marches banales, et puis voilà, je me suis rompu le tendon d'Achille. Maintenant j'ai un point commun avec Achille et j'en suis fier. Oui, c'est-à-dire... au moins celui-là. Est-ce que pour autant ce genre de scène c'est terminé, vous allez faire le père du commissaire dans le prochain film? Non, mais... Je connais votre humour légendaire, mon cher William. Le film va reprendre, je respecterai le tournage, je respecterai surtout mes dates de sortie et je ne jouerai pas le père du commissaire, je resterai le divisionnaire Grindel que je suis. Mais alors, est-ce que c'est amusant au fond de faire encore des rôles comme cela? Je crois me souvenir que vous aviez dit quelque part... Non, vous savez, vous parlez à Alain Delon, là. Oui, oui. Non, j'ai une grande admiration pour Charles Vanel, mais je ne suis pas Charles Vanel. Non. Vous avez vieilli. Et William, une star, ouais, ne vieillit pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. C'est comme Tintin. Ne vieillis pas. Comme Tintin. Voilà, ok. Voilà, là, mes chéris, pour les endroits. Ah, c'est là. Oui, oui. C'est à la prochaine, oui. À la prochaine. Pour la jambe droite. À la prochaine. Alors ne lui dites pas en ce moment, c'est le pied, parce que d'abord c'est pas très drôle et puis ça ferait pas rire. En revanche, comme vous, nous lui souhaitons, parce que je sais qu'il regarde ce journal, nous lui souhaitons un très prompt rétablissement. À bientôt. Si on veut apporter un petit complément, on suppose que cette blessure, elle se fait donc quand Delon et son équipe, enfin Grindel et son équipe, investissent le bureau de la Tueva. C'est ce moment-là où il saute 3 marches. Donc on suppose que c'est là où il s'est, ce moment-là où il s'est blessé. Rapidement, on comprend aussi à la lecture de ce reportage tout le côté refus pour Delon de vieillir, de garder ce qu'il fait, ce qui va faire son charme. Et c'est vrai qu'après les échecs assez différents de Ne réveillez pas un flic qui dort, qui, bon, par rapport à Parole de flic, va attirer 3 fois moins de monde dans les salles. Et pour ce qui suit aussi, c'est savoir pour Delon comment gérer son image, comment gérer sa carrière, comment faire que le public revienne dans les salles. Et ça va être le principal problème. Il va essayer différentes recettes, une fois que celle qui a bien fonctionné dans les années 80 jusqu'à Parole de flic s'est essoufflé. Il a fallu trouver d'autres pistes, et d'autres pistes ont été proposées. D'un côté, bah voilà, tourner avec, ce qu'on verra, tourner avec Godard dans Nouvelle Vague, mais là c'était plus le défi cinématographique, casser son image pour finalement honorer un rendez-vous manqué avec la Nouvelle Vague. Par contre, voilà, ça sera un petit peu trop tard, 30 ans trop tard. Ensuite, il y a le fait de revenir avec Dancing Machine à quelque chose de plus jeune, tout en ayant Delon qui reste assez statique et qui ne joue que sur son charisme dans ce film-là. Et pareil, là aussi, il y aura à peu près moins de 600 000 spectateurs. Il y a l'image du vieux beau, donc le retour de Casanova, qui ne sera pas non plus à hauteur des attentes. Et enfin, les deux films Jacques Doré, Un crime et L'ours en peluche, où bah là on est vraiment très statique au niveau de au niveau de l'action. Un crime par exemple, ça sera un huis clos, et bah Delon s'en sort pas si mal que ça. C'est au niveau de l'acteur, ça marche. Par contre, c'est vrai que désormais avoir un film avec Delon en tête d'affiche point barre, ça ne suffit plus. Alors ça sera pas faute d'avoir essayé, et ça on ne peut pas lui reprocher. Mais il y a une vraie problématique pour Delon de savoir quoi faire pour attirer à nouveau le public dans les salles. Et là, ça aurait été son principal problème à partir de la fin des années 80 et durant toute la première moitié des années 90. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus en détail dans ce qui constituera certainement le bonus de cet épisode. Et en second supplément, je ne peux résister au plaisir de vous passer la parodie inconnue d'une émission de cinéma où il y aurait eu Henri Chapier et Daniel Toscan Duplantier, à savoir donc qui s'extasie, le personnage Daniel Toscan s'est planté dans ce qui serait un nouveau film d'Alain Delon, Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Alors avant de passer le rapide extrait, je vous passe juste en effet la réalité sur laquelle se base la parodie, à savoir qu'en effet il y a 2 passages, un dans Parole de flic et un beaucoup plus connu vu qu'on l'a entendu dans Ne réveillez pas un flic qui dort, où il y a en effet Delon qui est à même de prononcer ce mot-là, et donc c'est un mot qui revient assez souvent. Alors tout d'abord, je vous passe l'extrait dans Parole de flic. C'est l'extrait, c'est le moment où Alain Delon va dans la boutique de Jean-François Stévenin, qui est un des membres de la milice responsable de la mort de sa fille, et où il s'amuse à comparer deux noix au cou de Jean-François Stévenin, et qu'il brise menu. Tout de suite l'extrait. Grand raffinement, et pour mémoire, voilà, je vous repasse vite fait la citation très rapide dans la scène finale de Ne réveillez pas un flic qui dort. Nous y pensons tous, Grindel. C'est un douloureux problème. Douloureux? Mais j'ai pas de douleur, moi. Aucune douleur. J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur vider mon flingue dans les couilles. La parodie se base donc bien sur une réalité, sinon elle ne serait pas drôle. Et donc, juste pour délivrer quelques messages supplémentaires, cette parodie aussi, elle va donner quelques éléments sur la situation qui était celle de Delon et de son rapport au public. Il y a une petite pique surtout, je pense que vous allez la reconnaître, mais on en discute très rapidement. Maintenant, on va en arriver tout de suite à votre troisième choix qui est assez surprenant, je dois le dire, Daniel, Alain Delon. Alors Alain Delon, on est en droit de se poser la question, pourquoi lui ? Eh bien, ça peut paraître tout à fait tonifiant de ma part de porter mon choix sur Alain Delon, mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'Alain Delon, ces dernières années, a fait preuve qu'il pouvait faire des films à public restreint. Ah oui. C'est ce qui m'a rendu le personnage tout à fait sympathisant. On va en voir la bande-annonce, on encore regarde. Que oui. Je n'aime pas trop ce mot-là, bande-annonce, ça fait très bande à Bono, bande à Basile, permettez-moi de dire, échantillon pelliculaire. Très bien, Daniel, on regarde tout de suite le dernier film d'Alain Delon. Qu'est-ce que tu penses de ce tueur là? Je pense que c'est un type qui a des couilles. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort. Ok. Goûte-moi ce champagne là, tu vas m'attirer un peu les nouvelles, ok? Allez, goûte. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est un champagne qui a des couilles. Ah, chérie, tu parles déjà? Ouais. À quoi penses-tu? Je pense que t'es une fille qui a des couilles. Oui. C'est lui qui a trouvé le titre. Tout à fait, le titre, c'est lui qui a signé les dialogues. Enfin, je trouve ça tout à fait bouleversifiant. Eh bien, écoutez, Daniel, on vous retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. Hein? Pour un nouveau choix, comme dirait Alain, qui aura les couilles. Merci, Daniel. Donc, le sketch parle de lui-même. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se présente comme étant un défenseur du cinéma d'auteur ennuyeux et qui défend d'un seul coup Alain Delon. D'où la petite pique. J'en suis sensible, enfin je suis sensible à sa carrière désormais, puisqu'il a montré qu'il était capable de s'adresser à un public restreint. À savoir que, en ayant regardé un petit peu les dates de diffusion de la télé des Inconnus, on était en théorie fin 90, si je ne me trompe pas, et en effet, on était dans la période où Delon était avec sur le projet Nouvelle Vague de Godard, et qui était sorti notamment pour Cannes, donc en mai, et la diffusion des mai 90, et la diffusion de la télé des Inconnus, c'était fin octobre, ou septembre ou octobre 1990. Donc ça, c'est la première chose. Mais ensuite, on suppose que cette pique est aussi le fait qu'il a une baisse de ses films au box-office. Et enfin, ce qui ressort également, c'est le côté omniprésent de Delon, qui ne fait pas que l'acteur et qui est présent à tous les niveaux de la production pour justement très bien cadrer son image. Donc là aussi, c'est un message véhiculé par ce sketch. Là, le fait qu'il contrôle les dialogues, et puis bon, des dialogues qui sont répétitifs, qui sont vulgaire, qu'il se veut chic parce que c'est Delon qui l'a dit. Derrière cette parodie, il y a une réalité et qui, malheureusement pour Delon, se confirmera en grande partie dans la suite. Mais tout de suite, donc, une fois que cette partie supplément est terminée, on passe à celle des avis et des critiques que le film Ne réveillez pas un flic qui dort a suscité à l'époque et maintenant. Mais vos opinions sur la musique moderne et sur l'art en général, je vous conseille de ne les utiliser qu'en suppositoire. Capitaine, j'ai une opinion sur ce sujet. Bah, je t'en prie, partage-la avec le peloton. À mon avis, tu me prends pour un con. Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Et vous devriez en faire autant. Voilà la solution. Merci, monsieur Mortel. Pour ce qui est des avis et des critiques que Ne réveillez pas un flic qui dort a suscité, une de celles qui m'avait le plus marqué au départ, c'était celle de Nanarland, en effet, qui avait fait toute une série sur ces films de Delon qui avaient traversé un petit peu la fin des années 80, le début des années 90, Et parmi ce qu'ils font assez souvent, il y a toujours quand même quelque chose de plus fin que la rigolade, même si justement la rigolade permet de bien enrober les choses. Et en effet, la critique de la chronique justement de Nederland sur Ne réveillez pas un flic qui dort va délivrer quand même quelques bonnes choses. Donc je vais me permettre de faire la lecture d'une grande partie de la chronique de Nederland parce que il y a énormément de choses à en tirer et ça va nous permettre de faire gagner du temps pour la suite, parce que finalement ça évitera les répétitions. Alors ce qui nous y est dit à peu près dans cette chronique, c'est que les nanars hexagonaux sont un aspect très particulier du génie français, ça passe ou ça casse, on aime ou on déteste. Qu'il s'agisse de comédies ou de films d'action, les mauvais films de genre français ont un aspect un peu plus brut de décoffrage que leur équivalent américain ou italien. Est-ce l'absence de distance culturelle qui nous empêche souvent de rire des nanars français et nous amène d'emblée à les ranger dans la catégorie des navets tristouilles ? Et pourtant, le nanar chez nous, c'est souvent du gras, du lourd, du violent. Bref, de la bêtise pure qui n'a même pas pour alibi de s'étaler dans un décor post-apocalyptique. Jadis fer de lance de nos réussites commerciales, le polar français s'est vautré sur la mode du néo-polar, clip, chic et choc, dont les exemples sont Rue Barbare et Bleu comme l'enfer qui ont horriblement vieilli aujourd'hui. Pour ce qui est de la carrière de Delon, autrefois partagée entre films de divertissement et films d'auteur de façon très intelligente, elle allait connaître à partir des années 70 un glissement de plus en plus perceptible vers le commercial bas de gamme au fur et à mesure que la personnalité de Delon se faisait plus envahissante, produisant des films dont il tenait la vedette et ne tolérant plus des réalisateurs à ses ordres. On peut prendre l'exemple d'Edouard Molinaro qui a la mise en scène dans L'Homme pressé et qui se souvenait ainsi des rapports de force dramatiques entre un Delon dont l'image publique se ressentait de plus en plus, de son arrogance manifeste. Les films de Delon, parfois mis en scène par lui-même, viraient ouvertement à l'écrin tout à la gloire de leur vedette, figés dans une attitude de samouraï justicier, toujours plus hiératique et ombrageux. L'image de Delon justicier phagocytait rapidement l'image de Delon acteur de composition, les titres de ses films se ressentant de cette évolution. Un flic, Flic Story, Pour la peau d'un flic, Parole de flic, et enfin, cette cata mirifique, Ne réveillez pas un flic qui dort. Ce film, réalisé par José Pinheiro, quasi majordome de Delon, est une tentative de concilier le Delon héros de polar avec la vogue du néo-polar littéraire né dans les années 70. Il n'est pas à confondre avec le néo-polar clipesque qui sévissait alors au cinéma. Le néo-polar littéraire est un courant disparate, illustré notamment par des auteurs comme Jean-Patrick Manchette, ADG, Pierre Signac ou encore l'auteur de Clause de style à l'origine de Ne réveillez pas flic qui dort, Frédéric Fachardy. Donc cette vogue littéraire se distinguait par une violence souvent nihiliste, matinée de critiques sociales parfois gauchistes, et un style littéraire innovant. Alain Delon s'était déjà emparé de cette nouvelle vogue de la série noire en adaptant La position du tireur couché, chef-d'œuvre de Manchette, qui est devenu à l'écran Le choc de Robin Davis, et déjà le jeune tueur loser de Manchette a été changé en un super pro imbattable sous la demande express de Delon. Un peu comme il le fera, beaucoup comme il le fera, avec le Grindel, on l'a vu, pour Ne réveillez pas un flic qui dort, le Grindel de Clause de style. D'ailleurs, ce film, Le choc, a été un bide avant-coureur, il n'a pas eu les entrées souhaitées, et il a été maltraité par la critique, notamment le fait déjà que Delon est en sous-jeu, voilà, il montre ce qu'il peut faire, mais sans forcément exploser. Voilà, il est déjà à l'économie et conscient de sa propre personnalité. Bon, je reprends la critique. C'est cette fois donc à Frédéric Fajardi et à son roman Clause de style que s'attaque Delon, pour un véritable massacre en règle. Il est vrai que Fajardi s'y prêtait tant son univers regorge de violences gore et énormes, et ainsi que de thèmes anarcho-poète-poète d'un extrémisme à la limite du canular, comme on peut le voir notamment dans ses romans Tueur de flics ou Sniper. En effet, Fajardi est un ancien maoïste à l'humour plus noir que noir. Traité avec des moufles, son univers outrancier se prête très facilement à la parodie involontaire pour aboutir à une pure beaufrie gauchisante. Or, cette beaufrie potentielle se heurte à une autre idiotie, celle qui sous-tend l'univers de Delon Superflic. Construit tout à la gloire d'Alain Delon, le justicier imbattable révolté par la corruption et la décadence qui va secouer tout ça, le monde delonien pourrait être catalogué comme un univers nanar de droite. Or, quand un bof de droite rencontre un bof de gauche, qu'est-ce qu'il se raconte ? Des histoires de bof. C'est donc à la rencontre explosive de deux idioties parallèles que nous assistons. Pour caricaturer, le Delon justicier de droite se trouve ici projeté dans l'univers de gauche, axé à 100% sur la dénonciation du fascisme rampant de Fajardi. Il faut rappeler qu'au cours des années 80, Alain Delon avait suscité quelques polémiques en proclamant sa sympathie, plus personnelle que politique, pour Jean-Marie Le Pen. A-t-il voulu corriger cette image, tel Eastwood affrontant les fachos dans Man of Force, en adaptant un auteur gauchiste? C'est possible, mais il n'a pas choisi le plus subtil de la bande, et l'adaptation a manifestement empiré un discours engagé déjà bâti à la truelle. Le récit est basé notamment sur la FAN et sur un mystérieux groupe au nom de la police, qui est supposément impliqué dans la mort de Pierre Goldman, et cela a entraîné cette psychose sur l'infiltration de la police par un énigmatique ordre noir. Donc le récit de Fajardi est tout entier bâti sur cette peur. Et ce point de départ pouvait donner un AV sinistre, et il n'en est toujours pas très loin. Tant la violence est complaisante, tant les dialogues sont mauvais, tant les personnages sont clichetonneux ou inexistants, mais nous sommes au contraire face à un somptueux nanar à la connerie atomique. En effet, Delon y est un super flic invincible, aux sourcils éternellement froncés et regard d'acier, qui ne s'exprime que par aphorismes et formules à l'emporte-pièce, autant de répliques qui font regretter que Michel Audiard ait été indisponible pour cas de force majeure. Alain Delon identifie tout de suite les méchants, Alain Delon se tape une top modèle moulée dans une robe scintillante comme une boule de discothèque, Alain Delon habite Saint-Cloud car c'est un gagnant, Alain Delon vise toujours juste alors que les méchants le ratent tout le temps, Alain Delon n'est pas une tarlouse, nom de Dieu. Mais le vrai atout nanar du film, c'est Michel Serrault. Le grand acteur, visiblement peu convaincu par un rôle d'une totale absence de subtilité, il surjoue comme un malade, tout en regard féroce et grimaçonneuse, et aboie ses répliques, tandis qu'il passe son temps à faire assassiner quiconque lui déplaît, à coups de fusil, de couteau, de tenaille, de lance-flamme ou de bazooka. Son personnage est une espèce de sous-caricature caricaturale de caricature de fasciste, comme le militant le plus primaire de Ralph Rond doit le concevoir dans ses cauchemars éthyliques. Serrault en réussit presque à être plus drôle que dans La Cage aux Folles. Le scénario évolue au rythme d'assassinats, tous plus brutaux et sadiques les uns que les autres, et réussit à être totalement désopilant à force d'absence d'humour et de rebondissements téléphonés. A noter aussi que le récit montre une indulgence tout à fait nauséeuse pour l'ancien terroriste communiste Féodor Atkine, enfin Stadler, qu'assassine les sbires de Serrault, une scorie de Fajardi je suppose. L'échec complet du film à bâtir une histoire policière crédible ne laisse au spectateur que la possibilité de s'esbaudir devant tant d'âneries. Le propos se trouve quand même dans la scène située dans le entre guillemets QG de fidélité de la police, où Serrault, entouré de drapeaux français et d'un signe fascisant, trône au milieu d'une assemblée de vieilles barbes pétainistes à béret basque. On se croirait presque dans le pire des pastiches de Carl Zero. Nous sommes là en présence d'une nanardise bien grasse et épaisse, d'une beaufrie gras double typiquement française que tous ne peuvent supporter, mais qui pour l'auteur de ces lignes représente un vrai délice. La série Z française possède un charme vénéneux et décadent que connaissent ceux qui ont vu Overdose de Jean-Marie Paillardi, connu aussi par Hotfire, et qui contamine ici un cinéma grand public en pleine débandade. Catastrophique pour l'image de Delon, dernier clou dans le cercueil du polar français, Ne réveillez pas un flic qui dort est aujourd'hui presque plus connu par la parodie que lui consacraient les inconnus. Ne réveillez pas les couilles d'un flic qui dort, que j'ai déjà passé. L'heure est venue de lui rendre justice. Alain Delon n'est pas seulement un demi-dieu en Asie du Sud-Est, c'est aussi, quand il le veut, un super king du nanar. Une chronique fort complète qui m'évitera de dire celle du site Cinéma de Quartier ou encore celle, donc le site Une Certaine Presse, qui disent de façon plus resserrée peut-être, mais dans le même temps et le même esprit, ce qui est dit dans cette chronique. Par contre, comme je ne suis pas de mauvaise foi, comme pour Canicule où j'ai quand même présenté des critiques négatives, là je vais m'efforcer à présenter ce que je peux trouver comme point positif. À savoir ici, donc, c'est plutôt le site Box Office Story qui est très utile pour retrouver notamment le... tout est dans le titre, le nombre d'entrées de certains films et puis quelques résumés et la façon ou l'explication de tel ou tel succès ou insuccès. Là, visiblement, c'est certainement des choses d'époque, puisque les critiques sont assez... Enfin, les critiques qui s'y trouvent sont assez enthousiastes. Donc je vais lire rapidement, en coupant quand même ce qui est de l'ordre de la répétition. Donc je vais aller très vite. Donc dans Box Office Story, on nous dit que l'équipe de Parole de Flic est de retour pour concocter ce Ne réveillez pas un flic qui dort, dont l'affiche très dépouillée est trompeuse. C'est encore une fois un film de genre, aux scènes d'action très bien ficelées, et non pas un film policier pépère, comme pourrait le faire croire la présence de deux acteurs qui ne sont pas les perdreaux de l'année. Le scénario est largement inspiré de Magnum Force avec Clint Eastwood, où une confrérie de policiers réglait leur compte aux truands qui étaient passés dans les mailles du filet de la justice traditionnelle. Ensuite, si je coupe un petit peu, on en vient à Delon, qui est un peu en retrait par rapport à Parole de flic en termes d'action. En effet, moins de cascades, moins de bastons. Il préfère jouer du flingue, signe des âges et de son âge. Michel Serrault est parfait en flic fasciste, montrant ses facilités à passer du comique à l'ordure. Xavier Deluc, en flic arien, fascine par son cabotage, surtout dans la scène de son arrestation, où il préfère se défenestrer, non sans avoir raillé Grindel. L'acteur promettait beaucoup dans les années 80, mais n'est jamais vraiment parvenu à confirmer l'étiquette de jeune espoir qu'il a longtemps porté. Film de genre ultra-violent, c'est encore une bonne réussite du tandem Delon-Pinero. Reste à savoir comment le public va l'accueillir, alors que Le Grand Bleu triomphe sur les écrans depuis l'été, et que d'autre part, Belmondo a connu un terrible revers avec Le Solitaire en 87, un polar Jacques Deray. Pour la suite, on passe au bilan du film en salle. Donc sorti en décembre 88, le film ne parvient pas à déloger Camille Claudel de la première place du box-office, ni Willow, un film d'heroic fantasy. Il est relégué à la troisième place du box-office, avec une semaine d'ouverture très moyenne, bien en deçà de celle de Parole de flic. Noël et le jour de l'an limitent la casse, mais le film s'effondre dès janvier 1989. Le film passe à peine la barre des 200 000 entrées sur Paris et les 800 000 entrées de justesse sur la France. C'est une baisse très sensible de son audience et l'acteur va quitter les années 80 sur une mauvaise note. Le film est excellent, mais en tant que néo-polar, l'aspect violent du film a rebuté le public. Ou peut-être était-ce tout simplement parce que Delon commence à se faire un peu vieux après tant de carrière. Et puis le jeune public se tourne vers les productions américaines telles que L'Arme Fatale ou Piège de Cristal. Il faudra attendre 95 et Léon de Luc Besson pour revoir un film français de ce genre. Alain Delon va tenter de retrouver les faveurs des critiques en revenant à des films d'auteur. En tout cas, le polar, c'est fini pour un petit moment. Voilà, fin de la critique de Box Office Story. On passe donc à celle d'Allociné. Comme canicule, j'ai divisé entre les critiques, les aspects positifs dans les critiques et les aspects négatifs. Autant dans Canicule, c'était équilibré et puis même dans les critiques négatives, il y avait quelque chose à sauver. Là, clairement, si je prends mes deux pages, j'ai une page négative très, très bien remplie, une page positive bah, assez pauvre. Mais je ne vais pas être de mauvaise foi, alors juste dire rapidement que le film sur Allociné récolte la note moyenne de 2,2 sur 5 pour 102 notes. C'est la même note à peu près que Sens Critique. Sens Critique, il y a 170 votants, je pense, et le film obtient 4,5 sur 10. Ensuite, sur Allociné, pour les 29 critiques écrites, ça serait parti à peu près comme ça. 50% le juge entre 0 et 1, entre nul et mauvais. 25% lui donne la note de 2 sur 5. Et les 25% restants se partagent entre 3 et 5. Alors, pour ce qui est de la critique, les critiques positives, les points positifs, alors j'en lis deux très rapides, enfin ce que j'ai pu relever comme phrase. Donc, un film qui fonctionne, mais en roue libre. Ensuite, certaines personnes pensent qu'en effet que sans Serrault, le film serait nul et inconsistant. Serrault est terrible en leader sadique. Donc on voit que certains sauvent quand même la performance de Serrault. Et enfin, si j'en lirai une en entier, mais elle est assez courte quand même, je vous rassure, une critique positive donc de Lulalex, voilà, une critique de 2004, avec Lulalex qui a mis 4 sur 5 à Simla. Donc qu'est-ce qu'il en dit concrètement ? C'est que 3 ans après Parole de flic, le tandem Delon-Pinero récidive dans le polar, mais sur un ton cette fois-ci beaucoup plus sérieux et amer. En flic justicier cruel et impitoyable, Serrault est excellent et donne de l'épaisseur à un film brutal dont l'essentiel se révèle terriblement violent, à l'image de la gratuité de certaines scènes, tout comme le message qui peut sembler saugrenu. Mais l'efficacité demeure omniprésente et on a droit à quelques séquences d'action plutôt impressionnantes. Bref, un film suffisamment musclé, nerveux et bourrin pour contenter les amateurs. Donc voilà pour ce qui est du positif. Pour ce qui est du négatif, c'est tout à fait autre chose. Alors il y a différents points. Alors tout d'abord les acteurs. Delon en premier lieu, avec donc comme critique négative le fait que Delon fait du Delon, il n'est jamais naturel. Une autre critique qui dit aux USA, ils ont Chuck Norris, nous en France on a Alain Delon. Le film ne sert qu'à sublimer la star et aurait pu s'appeler « Y a-t-il un flic pour sauver la police ?» Ensuite, ce qui ressort aussi, c'est le jeu de Michel Serrault, donc voilà, il en fait mille fois trop. Il joue probablement le plus mauvais rôle de sa vie en le surjouant d'une façon tellement grotesque que ça en devient même incroyable. Et aussi, donc, d'autres critiques sur le fait que voilà, le film tourne autour de Delon et est fait pour le faire briller. Il y a donc une critique qui se demande quel est le pitch du film. Et bien c'est simple, Delon il est beau, Delon il est grand, Delon il assure, Delon il a des couilles et elles sont toujours plus grosses que celles du voisin. D'ailleurs, Michel Serrault ne s'y est pas trompé. Et par respect pour Delon et ne pas lui faire de l'ombre, il décide de jouer très très très mal. Il fait sa méchante, mais fait rire ma petite sœur. Donc, à part Delon et Serrault, il y a aussi Xavier Deluc qui en prend pour son grade. Donc, il fait une petite critique. Voilà, ici, Deluc est héroïque par sa connerie. Il y a aussi ceux qui s'en prennent à Pinero en se demandant justement, le réalisateur était-il à la hauteur de la rencontre de ces deux stars? Il y a aussi la musique est nulle, mais nulle. Voilà. Les dialogues, qui sont faussement hilarants et dignes d'un Max Pécasse. Bon, moi, j'en dis plutôt Philippe Clair, mais bon, chacun ses goûts. Après, il y a des critiques beaucoup plus de fond, et ça, c'est pas plus mal aussi, avec justement le fait que, sur le ton du film, le film qui ne choisit jamais entre le premier et le second degré, il vire donc, soit dans le grotesque, soit dans l'invraisemblable, soit dans l'ennui. Après en avoir énuméré les défauts, certaines critiques disent justement que ce film est à voir au second degré pour en apprécier tous les délices kitsch et too much, donc comme je l'avais dit, le voir mais pour des mauvaises raisons. Ou encore, on a aussi celle-ci, voilà, film à voir quand même au moins une fois dans sa vie, pour se rendre compte que de telles choses existent. Pour ce qui est donc d'Allociné, j'ai lu une critique positive, et j'aimerais quand même en lire deux négatives, pour dire d'avoir un rapport de force cohérent. Alors pareil, assez moyen au niveau de la taille, hein, c'est pas de l'ordre de la chronique de Nolan, mais c'est quand même assez important, et ces deux critiques m'ont semblé intéressantes, puisque... Bah non seulement elles sont récentes, hein, il y a 2014 et 2016, et en plus elles sont assez bien construites, il y a toujours des choses, quelques petites choses comme par-ci par-là en tirer. Donc je commence par celle de KingBee49, qui a mis 1 sur 5, et c'est donc sa critique qui date de septembre 2014. Alors il nous dit que ce film est une des plus grosses tâches de la filmographie de Delon, qui en comporte déjà pas mal dans le dernier tiers de sa carrière, des années 80 aux années 2000. Sur le papier, Ne réveillez pas un flic qui dort avait tout d'un solide polar engagé, dénonçant les courants d'extrême droite gangrénant certains services de la police. À l'arrivée, c'est un honteux ratage, plus nanar que polar, où tout est surligné, manichéen et grotesque. À partir d'un scénario bâclé, Pinero met en scène un Delon en pilotage automatique et un Serrault en mode surjeu, les deux acteurs n'ayant au final que deux ou trois scènes en commun. Les autres, les seconds rôles, entre autres Bernard Farcy et Xavier Deluc, pour eux, évoluent dans un registre grandiloquent ou caricatural. Seul Patrick Catalifo s'en tire pas trop mal. En revanche, on se demande ce qui a pris à Delon de faire venir un Serge Gianni vieillissant et inaudible pour une pénible séquence de flingage dans un manège plein d'enfants. Une misère. Certains dialogues, qui se veulent drôles, sonnent ridicules et la fin fait vraiment pitié. Bref, c'est du sous-cinéma fabriqué dans l'arrière-cuisine de Delon, qui est à la fois acteur, producteur, en pleine descente des années 80 et qui veut contrôler, jusqu'à l'excès, tout ce qui se passe à l'écran, mais pour livrer un produit totalement médiocre et vidé de toute substance artistique. Voici donc pour cette critique de King Bee, j'en enchaîne avec une seconde, celle de Yannick Cinéphile, qui avait mis 1,5 sur 5 à ce film en janvier 2016. Alors il nous dit... Delon dans un nouveau Pinero, clairement moins bien que Parle de flic, un film qui tient un peu tristement sur sa violence graphique. En effet, ce film est sûrement l'un des plus violents de la carrière de Delon, typique des polars sanglants des années 80, Pinero pouvant en la matière être approché de son homologue bien plus prestigieux, Walter Hill. Donc il faut s'attendre à du sang, des meurtres violents, des trucs parfois un peu limites, comme le meurtre avec les tenailles. Derrière cela, Pinero se contente de reprendre en plus dynamique, mais en moins bien travaillé, son Parole de flic. Il a dû se dire qu'il tenait un truc efficace après le succès de ce film, et il nous ressort donc une intrigue très proche. On a de l'action, certes, des meurtres aussi, pas inefficaces, mais pour le reste, les personnages sont caricaturaux, sans relief, tout est assez prévisible, et le final a été un peu pompé sur un célèbre film avec Belmondo. Et puis, entre deux meurtres, on se demande qu'est-ce qui meuble. Une enquête improbable, Delon devine tout super vite, des meurtriers toujours au bon endroit, bref, c'est incohérent et très caricatural. Pinero orchestre cependant assez bien sa mise en scène, encore une fois, mais sur la forme, on le sent beaucoup moins au point que dans Parole de flic. On le sent plus mécanique, plus soucieux de la grandiloquence que de ses acteurs. Et l'intimisme de certaines scènes de Parole de flic a ici complètement disparu. L'ambiance est aussi moins prenante, moins travaillée. On s'échappe de l'atmosphère polar noir pour un style qui pourra paraître parfois étonnamment rétro, style polar des années 70. Musicalement, rien de notable. Le casting repose sur un Delon minimaliste, dû sûrement à son personnage, plus que faible en termes de relief, et son charisme ne peut pas tout faire. Cero est un méchant correct, mais clairement archi-caricatural et peu crédible à cause de son personnage. Les seconds rôles, en revanche, tirent leur épingle du jeu, principalement Patrick Catalifo et un surprenant Fyodor Atkin, qui l'espace de quelques minutes parvient à rester à l'esprit. Globalement, Ne réveillez pas un flic qui dort se veut une série B violente, roublarde, sorte de Parole de flic en plus grandiloquent et en plus violent. Je crois malheureusement que Pinero a un peu oublié que la force de Parole de flic résidait dans ses personnages, pas tellement dans le reste. Une curiosité, mais bref, pas un grand film. Voici donc pour les critiques hallucinées. Alors pour ce qui est du point sur IMDb ou IMDb comme vous voulez, le film recueille une note moyenne de 5,6 sur 10 pour un peu moins de 600 votes. Pour ce qui est des critiques, on va dire amateur, le point IMDb, c'est intéressant de voir le point de vue d'étrangers sur un film français. Là, en l'occurrence, il n'y a que deux critiques de particuliers et qui plus est, bon, en ayant regardé très rapidement, ce sont deux Français qui les ont faites. Donc voilà, là, ça perd un peu de sa saveur. Par contre, il y a une critique d'un site étranger, mais qui parle beaucoup de films français. Ça s'appelle donc filmdefrance.com et donc il y a un certain James Travers ou Travers, je sais pas, ici en 2003, qui a fait la critique donc de Ne réveillez pas un flic qui dort, et je l'ai traduite en français. C'est pas plus mal, à savoir qu'il met donc 2 étoiles sur 5 à Ne réveillez pas un flic qui dort, et en substance, voici ce que donne sa critique, donc filmdefrance.com, James Travers en 2003. Comme le genre thriller ou policier commençait à devenir de plus en plus impopulaire en France à la fin des années 80, les réalisateurs durent travailler dur pour garder ce genre frais et attractif. Malheureusement, pour beaucoup, cela signifiait suivre l'exemple hollywoodien et utiliser des techniques choc, autant en termes de violence graphique qu'en termes de sexe explicite, pour remplacer un contenu plus profond ou esthétique. Ne réveillez pas un flic qui dort représente ce tournant, alors qu'il a pu attirer un certain public à l'époque. Aujourd'hui, il s'avère, donc c'est 15 ans plus tard, qu'il apparaît comme daté et superficiel. Pour ce qui est des points positifs, le film sent l'authenticité pour tout ce qui concerne l'inquiétude sur l'existence d'une milice qui appliquerait une justice sauvage et qui serait d'inspiration extrême droitière. Peut-être en réaction à l'abolition de la peine de mort en 1981. Les comparaisons entre le groupe Fidélité de la police et les nazis ne sont cependant pas nécessaires et sont souvent de mauvais goût. Ce qui est de trop, c'est l'excès de violence qui met mal à l'aise par sa gratuité et qui est parfois involontairement hilarant par son énormité. Loin d'avoir sauvé le film policier, ce type de film mal fichu et frivole a servi à accélérer son déclin. Malgré ses nombreux défauts, le film possède cependant quelques moments de grande tension et de drame, mais souvent rabaissé par le jeu de Cero qui a un mauvais rôle à défendre. Le fait qu'il se débatte pour rester convaincant dans ce type de production médiocre montre à quel point il est un acteur de grand calibre lorsqu'il est bien employé. Quand il a fait ce film, la carrière de Delon déclinait, mais sa performance ici, qui n'est pas la meilleure, se distingue par sa subtilité et son humanisme obstiné. Enfin, c'est la qualité du jeu d'acteur, ainsi que l'inventivité du directeur de la photo, Raoul Coutard, qui arrive à sauver de justesse ce film. Delon, producteur du film, l'a dédié à Jean Gabin, avec qui il a travaillé de nombreuses fois quand il était plus jeune. Voilà, on va s'arrêter là pour ce qui est de l'ensemble des critiques et des avis que ce film a pu susciter, et qu'il suscite encore. Et nous allons conclure cet épisode sur le fait qu'on a constaté l'étendue des dégâts du film. Donc ce n'est pas, voilà, c'était pas moi qui vais le défendre, comme je l'ai dit en introduction, en disant que c'est un chef-d'œuvre incompris et qu'il aurait fallu peu de choses. Par contre, on a quand même quelques pistes. J'ai pu dégager quand même quelques pistes. pour dire que tout n'était pas perdu. Bon, ça fait un peu inspecteur des travaux finis, mais en même temps, c'est pour donner quelques éléments, à savoir qu'est-ce qui aurait pu être changé, être enlevé, être ajouté. Alors, tout d'abord, c'est d'un côté comme de l'autre, virer ce pseudo-humour, choisir un ton très premier degré pour faire plus de tension, et aussi avoir des méchants qui soient moins bourrins, moins caricaturaux, plus appliqués, plus glaçants, plus idéologues aussi, plus réfléchis. C'était déjà présent dans le roman, pour avoir un thriller qui vraiment prend aux tripes. Il y a ce côté-là qui est important. Il y a aussi le fait de justement développer l'amitié, déjà dit, entre Perret et Grindel, pour que lorsque Perret meurt, il y ait un véritable crève-cœur. Et il y a ce côté-là, plutôt que Delon qui domine cette relation Perret-Grindel, avoir quelque chose qui... Enfin, même si Grindel est supérieur dans la hiérarchie, avoir plus de marques de respect de la part de Grindel vis-à-vis de Perret. Même si elles sont présentes, elles ne sont pas assez développées. Et puis après, bon, il y a le contexte aussi de la mort de Perret qui a déjà été évoqué et qui diminue la tension. Il y a aussi, comme autre chose qui aurait pu être évoquée, le fait qu'il y a un élément politique qui est présent dans le roman, avec des députés qui sont tués, et qui aurait pu donner plus de poids et plus d'ambition, plus d'ampleur au film. Notamment, montrer que fidélité de la police, il y a une volonté de prise de pouvoir, d'un grand projet, d'un complot, d'une conspiration. Et finalement, voilà, d'avoir aussi un poste de commandement qu'on découvre qui soit plus glaçant, plus tétanisant. Là, quand Perret s'y amène, on garde en tête que le milicien avec son béret, bon, c'est pas très terrifiant. Ensuite, éventuellement, même respecter le roman en enlevant la petite amie de Delon qui ne sert pas à grand chose, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, voilà, il n'y a pas de conquête à avoir et tout est déjà cuit, tout tombe déjà cuit dans le bec de Delon. Et pareil aussi, sur Cero, bah, avoir un rôle beaucoup plus nuancé à défendre, parce que là, franchement, il est. Bah, de toute façon, à la base, son personnage est indéfendable, mais il n'y a rien pour le sauver et il va jouer une partition monocorde, voilà, c'est comme si on avait un bel instrument et qu'on jouait toujours la même note. Et aussi avoir plus de vraies rencontres entre Delon et Cero, ça aussi ça manque. Ou tout simplement aussi ce qu'il y avait à faire, mais là c'est plus du sujet du film, c'est si on prend la même équipe, Delon, Pinero, Fajardi, c'est complètement prendre ou partir sur un autre sujet. Parce que finalement, on a un sujet assez proche de celui de Parole de flic. Et finalement, tout ce qu'ils avaient réussi à peu près avec Parole de flic, bah, on se demande si finalement, ils n'avaient pas déjà tout dit et qu'il n'y avait plus grand-chose de nouveau à amener dans Ne réveillez pas un flic qui dort. Donc, il y a certainement d'autres choses qui auraient pu améliorer le film. Bon, ça, c'est différent. Mais voici à peu près quelques pistes qui aurait pu amener quelque chose de plus tendu. Et puis finalement, c'est ce qu'on avait vu avec Magnum Force, c'est un sujet qui semble un sujet quand même en or, un sujet intéressant, un sujet, bon, forcément, je vais pas dire grand public, puisque bah, forcément ça, comme là, mais ça aurait peut-être amené une interdiction beaucoup plus forte. Mais en même temps, avec un sujet comme ça, c'est un sujet généralement où il faut aller jusqu'au bout. On peut pas aller dans la demi-mesure. Et là, le problème, c'est qu'il y a des passages assez grand guignol, puisque finalement, quand le film veut faire rire, bah non seulement ça diminue la tension, mais en plus ça fait pas rire. Et au contraire, quand il y a des moments de tension, bah il y a des personnages tellement caricaturaux que là, ils font rire, alors qu'on devrait être très très très tendu. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire de ce film-là. Je tenais quand même à le faire, parce que c'est quand même symbole d'une transition. Voilà, ça n'a pas été un bide commercial, ça a quand même marché, enfin, même si on voit que ça fait trois fois moins d'entrées que Parole de flic. Ça reste quand même, par rapport à ce que Delon fera après, dans les derniers scores honorables, on va dire, au box-office. Donc c'est intéressant, je pense, de l'étudier. Il y avait aussi quelques bases qui permettaient de voir qu'il y avait toujours possibilité de faire mieux. Qu'en plus, certaines pistes qui dans le roman n'étaient pas intéressantes ou moins bonnes ont été abandonnées. D'autres, au contraire, qui étaient intéressantes, ont été abandonnées. Donc ça peut voir aussi à côté de quel film on aurait pu passer. Voilà, on est passé d'ailleurs. Donc pour ce qui est de cet épisode, c'en est terminé. Il y aura sous peu donc certainement un bonus à cet épisode, mais qui est encore en cours d'écriture, de fabrication, etc. Je rajoute encore des choses. Donc voilà, j'espère que ça sera cohérent et intéressant à proposer. Mais bon, après, voilà, c'est toujours pareil, hein, chaque épisode ou chaque chose qui est sur Internet, voilà, c'est les gens proposent. le public dispose, donc voilà. Dire aussi, bah voilà, tout l'ensemble, hein, comme c'est de coutume de dire, voilà, si la page Facebook, elle existe, elle est là pour interagir, donc même un petit j'aime, ça fait plaisir. Pareil pour iTunes, le site est référencé. Bon, voilà, c'est toujours pareil aussi, ça aussi, je propose, et puis les gens se manifestent ou pas, proposent ou pas aussi, hein, c'est fait pour ça, justement, cette émission. Pour ce qui est du quatrième épisode aussi, dire que, bon, le titre sur lequel j'ai travaillé, voilà, il est défini, encore heureux, que le livre a été lu, mais, voilà, que l'écriture reste encore à faire. Donc, j'espère ne pas prendre de retard, à savoir que, normalement, déjà, cet épisode-ci, Ne réveillez pas un flic qui dort, je l'ai proposé en avance. Bon, éventuellement, si j'ai un peu de retard pour la suite, voilà, on va dire que ça compensera. J'espère toujours avoir autant de temps pour proposer quelque chose de correct. Voilà, correct aussi, surtout dans le fond. Voilà. Donc, je vous laisse avec un extrait de la bande originale de Ne réveillez pas un flic qui dort, forcément. Et j'ai choisi quelque chose de, on va dire, d'écoutable, à savoir le thème de Jennifer Grindel, donc la mannequin. On ne savait pas qu'ils étaient mariés. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. C'était Monsieur Gravelax. Soyez curieux, soyez nuancés. À la prochaine. Sur cette note, on envoie la musique.